Merci d'être avec nous ce soir, une nouvelle émission encore. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle journée. Courage si vous êtes dans les embouteillages. Allez-y doucement. Voilà, ne dépassez pas tout le monde. Pas de téléphone portable, rien. Gardez vos points. Zen. C'est précieux, c'est mon plaisir. Gardez les points. Gardez les points, c'est galère. J'espère que vous allez bien chez vous à la maison ce soir. Nous aurons des DJ qui seront là. On aura le groupe Offenbach qui sera nos invités. Passé 18h, nous vous parlerons du meilleur moyen de contraception. On devait le faire hier, on n'en a pas eu le temps. Alors, c'est ce que c'est le meilleur moyen de contraception en France pour les hommes et même pour les couples d'ailleurs, par conséquent. Être moche. Non, parce que sur un malentendu, ça peut marcher. C'est vrai. C'est la vasectomie. La vasectomie qui consiste à se faire ligaturer. Petite opération. Et il n'y a que 3000 personnes en France qui l'ont fait l'année dernière. Mais il paraît que c'est radical, hein, par contre. Hein. Ah, bah ouais. Oui. Ah, une fois que c'est fait, vous êtes. On en parlera tout à l'heure. On aura pour fêter nos DJ qui seront là. DJ Babas, le retour, qui essaiera de se vendre à quelqu'un qui cherche un DJ. Si vous ne connaissez pas DJ Babas, sachez que c'est le pire DJ au monde qui mélange tout avec n'importe quoi et qui essaiera de se vendre pour une soirée de mariage. Nous aurons tout à l'heure le Kiki Roule. Ça, j'adore ce jeu. C'est une famille, vous êtes les parents, les enfants à l'arrière, je veux papa, maman, les enfants, ou maman, maman, ou papa, papa, les enfants, peu importe la famille recomposée que vous ayez, et il y a des gros cadeaux à gagner. Il y aura quoi, Stouff ? Une PS4. Très bien. Il y aura le Zap Télé de Mico dans un instant, les champions du monde de l'actu à ne pas rater. Nous aurons dans un instant le top 10, je vous expliquerai de quoi. Nous aurons la compile du réchauffement climatique, puisque ça y est, là, c'est de pire en pire. Là. Ça y est, on l'apprend, c'est une catastrophe le réchauffement climatique. Fin du monde. Eh bien, nous le chanterons tout à l'heure. Puisque quand on le dit, vous ne le comprenez pas. Eh bien, nous le chanterons. Il y aura le Connaissez-vous du jour. Je donnerai un nom de famille de quelqu'un, vous essaierez de deviner de qui il s'agit. Oula. Nous parlerons des UV et du cancer. Alors, ça y est, c'est réglé, on le sait depuis longtemps. Ça amène le cancer de la peau, c'est très dangereux. Oui. Mais les machines à UV, ça y est, ça va être la fin peut-être. Oui. Définitivement, il n'y en aura plus. Nous aurons la belle histoire du mercredi tout à l'heure avec quelqu'un qui a perdu sa collection, mais il y a eu une belle collection qu'il a. Oui, belle collection de Lego, c'est ça ? Absolument, Star Wars. C'est pointu. Ah ouais. Nous aurons tout à l'heure le responsable de la communication de notre président, savoir comment ça se passe. Ah, oui. Mais puisqu'on a deux DJ aujourd'hui et que tout à l'heure le thème de l'émission au 0870 42 48, si vous nous appelez, ce sera les DJ qui ont raté votre soirée. Donc le thème, ça s'appelle Last Night, a DJ Fuck My Life. Last Night. DJ fuck my life. C'est-à-dire la soirée devait bien se passer et le DJ a tout foiré. 0870 42 48, racontez-nous tout ça. Nous aurons aussi 10 000 euros à vous offrir peut-être. J'ai deux enveloppes de 1 000 euros. J'en ai une de 5 000 euros et celle de 10 000 et puis des plein d'autres. Vous nous appelez, vous prenez de l'argent. Vous faites le 7-10-12. Autant pour moi, pardon. Oui. 7-10-12 par SMS en mettant courrier au début de votre message. On y va sur le top 10. Je voulais démarrer l'émission par ça. Le top 10 des chansons que vous demandez le plus au DJ. Vous savez, ces gars qui vont toujours voir le disque jockey, généralement vers 1h du matin, ils ont 3 grammes, ils font tu veux pas me mettre machin. Et le gars, il revient 5 minutes après, tu veux pas me mettre machin. Et quand tu lui mets, le gars, en fait, il était parti fumer sa clope dehors. Ouais. Moi, je l'ai fait. Et t'es là et tu le cherches. Et le gars, il est pas là. Et il revient, le morceau est parti, il revient devant. Il fait, tu me mets quand Ah, il y a 5 minutes. On y va, 10e position des titres les plus demandés au DJ Ozone. Oh, c'est bien, hein. Pas mal. Efficace. 9e partenaire particulier. 8e titre le plus demandé, Rednex. Et va la demander au DJ. T'as pas running and ready to go? S'il te plaît, DJ, fais pas ton salaud. 7e FL65. 6e, alors ça c'est étonnant, Céline Dion et Garou. C'est la fin de soirée ça. Ça il demande ça? On va sortir dehors, sort pas la grand voile. 5e position. Dans la vallée. 4e position, vous le voulez, vous l'aurez. Qui ça? Oh les blaireaux. Cette équipe. 3e position. Ah oui. Ça prend du journée. 2e. Et d'après vous, quelle est la chanson en première position des plus demandées au DJ? Zouk Machine. Non. Non. Les lacs du Connemara. Oui. Oh là là. Hey. Au printemps suivant, le ciel est en l'air. Et ça, t'as l'air consterné. Ces chansons, j'ai du mal. Mais arrête, une soirée réussie, c'est une soirée avec Claude Sardou. Michel. Claude, il est sympa. Tu connais Michel François? Claude Sardou, c'est moi. Je sais pas comment je dois le prendre, c'est toute ma vraie playlist. Eh bien, effectivement, je ne sais pas comment tu dois le prendre. Présentation de l'équipe spéciale émission de télé. Je sais pas où je l'ai mis. Il pourrait participer aux reines du shopping, oui, ou à relooking extrême dans des numéros spéciaux look de merde. Notre réalisateur top model au steampunk à chien, c'est Bichette. Bonsoir. Bienvenue mon Bichette. Bravo. C'est notre beau gosse et célibataire endurci. Il pourrait participer au bachelor juste pour le kiff de dire non. Ou alors à toutes ses présentantes. Ou dans Qui veut épouser mon fils avec sa mère qui elle dirait à toutes les filles s'il vous plaît mariez-vous avec lui, c'est Miko. Bonsoir. Pascal le grand frère n'a qu'à bien se tenir, elle pourrait être Stouff ta grande sœur qui va te marave. Sauf que elle n'essaierait pas de remettre les jeunes dans le droit chemin, elle les défoncerait directement, mais ça ferait une grosse audience, c'est Stouff. Bravo, bravo. Lui il voudrait participer à Top Chef, mais il voudrait être le seul participant pour pouvoir tout bouffer tout seul. Du coup, ça s'appellerait Top Jeff ou Cauchemar dans ta cuisine. A voir, c'est Jeff. Bonsoir. Et enfin pour terminer, bien sûr notre cerveau à nous. Il serait comme un poisson dans l'eau, dans les anges ou les ch'tis. Et surtout les autres participants seraient tous contents d'avoir trouvé plus con que c'est mon Bordas. Je te fais un bisou mon Bordas. On a un très bon hashtag qu'on va lancer tout à l'heure. Vous allez nous le mettre numéro 1 TT France, j'en suis sûr. Bienvenue sur Énergie. Dans un instant on aura du George Ezra. J'aurai du Calvin Harris, Sam Smith. J'aurai VG Dream. Et voici Jonas Blue. Dans un instant, les champions du monde de l'actu. Vous voulez 10 000 euros 7 10 12 par SMS. Météco est devant. Merci d'être là tout le monde. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom. On se mettra tout ça sur Facebook Live, comme ça vous serez comme si vous étiez avec nous dans l'émission. L'émission publique à 18h, là vous êtes dans le before. Hier, je voudrais dire quand même que hier j'avais menacé Bordas. J'avais dit si on n'est pas numéro 1 TT France, tu ne rentres plus, tu sors de l'émission. On était numéro 2, il est donc sorti. Sauf qu'il y a des gens qui ont vraiment cru que je l'avais viré à l'antenne. Premier degré. Alors, il a reçu des messages. Il y en a un qui est drôle, vas-y lis-le. Il y en a un de Eva qui me dit Salut Guillaume, je pense que c'est une blague et que tu n'es pas viré. Reste calme jusqu'à la fin de l'émission et ne fais pas de conneries. Surtout, reste près de la radio. Mesdames, messieurs, je vous jure que je n'ai pas écrit ce message. Mesdames, messieurs, il est 17h10. Je voudrais vous dire un message solennel. Je pense que pour 99% des gens qui m'écoutent, ils vont le comprendre, mais je pense qu'il y a 1% de gens qui... Oui, oui, je pense. C'est de la blague. On est là pour rigoler. Mais rigolade. C'est le concept de l'émission. Ah oui, mais j'ai l'impression que des fois, des gens ils disent « Oh, il a vraiment viré !» Non, on se détend. Non, voilà, donc voilà, c'est des blagues. C'est rigolade. Et tu serais le dernier des monstres de le virer à l'antenne en live. Oui, j'y pense quand même, j'y pense quand même. Oh, des fois, ça me traverse l'esprit. Mais je me dis non, je serai le dernier des monstres. 7, 10, 12 par SMS, peut-être 10 000 euros à gagner. Voici les champions du monde de l'actu du jour. Le premier champion du monde est un Parisien qui a été intercepté par les douaniers toulousains. Alors écoutez-moi bien. Alors lui, il est fantastique. Il revenait d'Espagne. Quand on revient d'Espagne, beaucoup de gens s'amusent à ça. On ramène du... tabac et de l'alcool. Voilà. Attends, mais attends, je crois que t'as le droit chorizo. À une ou deux, non c'est... Ouais, c'est deux et demi, je crois. Chorizo, oui, mais le trafic de chorizo, il est très rare. C'est rare. Et bien lui, il est... résultat du contrôle, écoutez-moi bien, 222 cartouches de tabac à narguilé, 44 cartouches de cigarettes, poids total, 119 kilos de tabac. Oh. C'est pas fini, le conducteur avait aussi réussi à caser, on sait pas comment, 322 litres d'alcool dans la bagnole. Mais touché par terre la bagnole, c'est pas possible. Vous êtes des étincelles. Oui, c'est pas drôle. Va mieux, Renaud. C'est fou. La deuxième championne du monde est une femme qui s'est présentée au commissariat de police de Reims avec un obus dans un carton. Imaginez la tête des commis avec le plan Vigipirate et tout. Imaginez la tête des gars. Elle l'avait trouvé dans un appartement qui appartenait à son père pendant un déménagement. Elle a décidé de le poser, elle a dit au policier, avec délicatesse, dans le carton et de l'amener au flic. T'imagines ? On t'amène à tes policiers, on t'amène ça. Fait non, non, non, je touche pas à ça. Et donc, visiblement, il ne présentait aucun risque puisqu'il était désactivé. Bon, à l'occasion, la dame, elle avait trouvé un gros vibromasseur, ils n'ont pas voulu la vexer. Ils ont dit oui, oui, madame, oh là là, c'est très dangereux, bien sûr que ça peut péter à tout moment, bien sûr. Bon, champion du monde du jour, c'est Booba. Ah, vous savez quoi ? Quoi ? Booba. J'aime pas tout, mais il y a des trucs qui me font rire. Moins de 24 heures après le verdict du jugement, vous savez qu'il a été condamné avec Caris, oui. 50 000 euros d'amende chacun et 18 mois de prison avec sursis, donc ils n'en feront pas de prison, mais quand même 50 000 euros d'amende. Et il a posté sur Instagram « Ah, j'en connais un qui va manger des pâtes pendant quelques années. » C'est drôle. Ah, c'est plus Boulby, c'est Nyoki. Il a pas tort, Booba, quand même. 50 000 euros, ça fait mal. Moins qu'une douche en prison, mais ça fait mal. Bienvenue. On est sur Énergie, tout va bien. Je m'appelle Koé. Tout ça n'est que rigolade. Et Bordas fait bien les réseaux et bien avec nous. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. Two in the front, two in the back, sailing along. That I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be.

Dès aujourd'hui, le filet de saumon est à 11,90€ le kilo. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à demain, chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Élevé en Norvège ou au Royaume-Uni, selon approvisionnement. Ce week-end, ce sont les portes ouvertes Peugeot. Vous êtes séduit par la sublime berline Peugeot 308 ultra connectée avec navigation 3D et boîte automatique 8 rapports, parfaite pour vous déplacer dans le plus grand confort. Alors laissez-vous convaincre par de nouvelles émotions sur la route. Pendant les portes ouvertes, Peugeot reprend votre véhicule 3 600€ en plus de sa valeur pour l'achat d'une Peugeot 308 neuve. Découvrez les véhicules disponibles immédiatement sur peugeotwebstore.com. Conditions sur offre.peugeot.fr. Direction la playa, on danse limbo, bien fire. En cadence et hop, pas. Le soleil brille de mille feux, mais avec eux, on n'a pas le temps de se laisser bronzer. Appelle-moi l'homme qui vit une vie bien locale, qui donne le smile en période estivale. Je vois un panorama sur la mer et son sable, une belle sirène, nos regards orientaux. Ça m'en fout, ça m'en baba, patati patata. Ça m'en fout, ça m'en baba, patati patata. Patati patata. J'esquive les boss, cool attitude man, j'pense que j'suis boss. Une princesse des îles quand le prince perd. Une petite île, les deux vues on se perd. Appelle-moi l'homme qui vit une vie bien locale, qui donne le smile en période estivale. J'vois un panorama sur la mer et son sable, une belle sirène au regard oriental. Ça m'en fout, ça m'en baba, patati patata. Ça m'en fout, ça m'en baba, patati patata. Ça m'en fout, ça m'en baba, patati patata. Patati patata. Qui fait les bons bails, viens avec ma clique, mais si vous voulez, nous qui voyager, nous qui voyager. Suive-moi, suive-moi, suive-moi, et suive-moi. Ça m'en fout, ça m'en baba, patati patata. Ça m'en fout, ça m'en baba, patati patata. C'est le débrief de la journée, version Koé. C'est Koé, c'est le Bifor. 17h-18h sur Énergie. Ah, je me fais un petit coup avant. On l'écoutera dans un instant. J'adore. Un petit coup avant. Dans un instant, nous aurons peut-être 10 000 euros à vous offrir. Vous avez besoin de sous. Sachez qu'en un coup de fil, vous vous faites de l'argent. Si c'est pas 10 000, il y a deux enveloppes à 10 000. Deux enveloppes à 1 000. Une à 10 000, une à 5 000. Une à 100 aussi, et une à 50, je vous le cache pas. Donc allez-y, vous jouez avec nous. Vous faites le 7-10-12 par SMS. Mettez Koé. Il n'y a pas de 5. Aujourd'hui, non, nous avons juste la plus petite, 50. C'est bien. Voilà, donc 7-10-12 par SMS, mettez Koé au début de votre message. 18h, l'émission en public, avec plein de gens, venez avec nous dans l'émission. Je vous rappelle que tout à l'heure, c'est Offenbach qui seront là. Et demain, c'est Jérémy Frérot qui sera notre invité. Donc il n'y a déjà que des filles, hein, je crois, dans le public. On va être honnête là-dessus. Le Zap Télé de Mico, avec un truc qui va faire plaisir à ceux qui étaient fans de Striptease, l'émission qui passait à la télé. Oui, Il y avait dans Striptease la fameuse scène du gars qui fait du tuning. Olivier Tu fais claquer. un coup, hein. Ferme les clés à la batterie. Tu vas pas casser le boomer, péter le boomer. Bon, eh bien, Olivier a visité le salon de l'auto. C'est passé à la télévision. Les réactions à chaud. Si vous aimez les autos, le tuning, striptease, ah, vous allez là, vous, allongez-vous, mettez là, vous allez être bien. Vous allez vivre un bon moment. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore tout à l'heure? J'aurai la compile du réchauffement climatique. Nous aurons le bras droit de la communication de notre président pour savoir où on en est du remaniement. Parce que cette histoire, on s'en sort jamais. Mais voici le connaissez-vous du jour. Attention, je vais vous demander de réfléchir. Je vous donne un nom. Allez-y, balancez tout et n'importe quoi. Christian Sinclair. Je vous aide, 43 ans. On y va. Député. Alors, non, mais ça se rapproche. Famille d'Anne Sinclair, non? Non. Oui, homme politique. Alors, non, mais ça se rapproche. Ah. Conseiller d'homme politique. Alors, il n'est pas homme politique, mais. Jardinier d'homme politique. Non. Il n'est pas. Ah, je vous aide, il n'est pas homme politique, mais. Il aimerait être homme politique. Ah. Donc. Ah, il se présente. Il se présente, c'est pas en France. C'est aux élections provinciales de Liège. Enfin, un gros bisou à tous les Belges qui nous écoutent. Vous allez me dire, jusque-là, ça passionne pas grand monde. Ouais. Mais il a une particularité. Il est handicapé. Non. Est-ce que c'est une particularité physique? C'est pas une particularité physique. Il est farfelu. Il est farfelu. J'imagine. Eh bien, bravo. Il est farfelu. Il dit des balivernes. Non, il a fait des chouilles. Il a un handicap, un truc? Mais non, on l'a déjà dit. Non, ça serait pas sur le mérite. On aurait même pas de passer dans l'actu s'il avait un handicap quelconque. Il est acteur. Oui, il est connu. Il est chanteur. Ah, acteur X. Oui. Mais non. Oh, il s'appelle Christian Sinclair. Il a 43 ans. Il est comédien amateur, mais il est surtout connu pour être un adepte du milieu libertin. Il s'est lancé en 2011 dans la production pornographique amateur. Hein, il a tourné dans une petite demi-douzaine de films X, c'est-à-dire. Hein, et ses arguments politiques, il le dit, la prévention des MST, la discrimination salariale entre les hommes et les femmes. Parce que comme il le dit lui-même, dans le porno, c'est l'inverse. Les femmes sont mieux payées que les hommes. Dis donc. Oufti. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Et bien, il prône ça. Voilà. Et donc, il se présente aux élections provinciales de Liège. Alors, j'ai sa photo. Alors, on va pas se moquer trop du monsieur. Mais je vais essayer de le dire poliment. Oui. Il a pas la tête de l'emploi de l'acteur porno. C'est pas là. Hein, on voilà. En plus d'homme politique. Ouais, je dirais que si j'étais une fille, je voudrais pas qu'il vienne à me réparer la photocopieuse. Ouais. Non. il a une tête. Attends, fais voir. On dirait que sa tête, c'est un bourrage papier à la naissance. Tu vois, on dirait que. Oui, c'est vrai qu'il a plus la tête d'un homme politique. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais bon, alors on verra. Peut-être que ce monsieur sera élu, on verra bien. Voici Last Night, DJ Fuck My Life. C'est la première de la soirée, on en aura plein ce soir. Elle s'appelle Sabine, elle habite Strasbourg. Bienvenue ma Sabine, ça va? Hello, Koé. Hello, yo, now, okay, let's go. We speak English in Strasbourg, alright. Yeah, so, t'appelles pourquoi donc? Alors, raconte. Oh, je peux le dire. T'appelles pour le DJ pourri. Qu'est-ce qui t'a fait? Ça s'est passé quand? Le jour de mon anniversaire, de mes 40 ans. Donc, big soirée prévue, normal, avec tous mes potes, la famille. J'ai vraiment mis les moyens. Et puis bon, j'ai pris un DJ, voilà. Très bien. Mais... Voilà. Bah, quand il est arrivé, déjà, il a fait des essais sons et tout. J'ai commencé à avoir peur parce que déjà, il n'avait pas de matos. Moi, je voulais des jeux de lumière. Il est venu sans jeu de lumière. Non, il y avait déjà pas de jeu de lumière, quoi. La salle était super sombre. J'ai dit non, mais on va pas allumer le plafonnier, enfin. Bah, faut des jeux de lumière. Je comprends pas quoi. Voilà. Donc déjà, c'était au niveau de l'ambiance hyper relou parce que j'avais fait une super déco, mais du coup, on avait la lumière allumée au début de soirée. Et alors? Et alors? Bah ensuite, après, il a commencé à mettre le son, ça grésillait. Oui, normal. Et alors? Et ça a continué comme ça, du son pourri toute la soirée, genre des vieux trucs à la queue-leu-leu. Et alors? Non, mais. Je l'ai viré, quoi. Moi, les gens, ils commençaient à se gaver, il y avait une mauvaise ambiance, ils me regardaient. Ah, pauvre chérie, t'as niqué ton anniversaire. Je te fais un gros bisou. Moi, c'était il y a combien de temps? C'était en janvier. Moi, je t'embrasse. Je t'aurais fait un bon anniversaire. Non, moi, je t'aurais mis les serviettes, je t'aurais mis. La prochaine fois tu viens, mais bien sûr. C'est très bien que tu gères en plus. Bien sûr, je viendrai avec mon matos, mes lumières et tout. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings. do. I'm here now. Energy taking control. I'm speeding up. My heart is dancing alone. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You everything. Tonight. Cause I need a green light. Day and night. Say that you're mine. Cause I need promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Merci d'être avec nous, nouveau rendez-vous depuis fin août, c'est tout récent hein, que nous sommes revenus. Sur Énergie, le Before, 17h-18h pour faire le tour de l'actu. Dans un instant, le Zap Télé de Mico, 18h, l'émission en public Offenbach pour mixer tout à l'heure à la fin. Et je vous offre de l'argent tout de suite. Chacun a son enveloppe. Oui. Trouvez la bonne personne, trouvez la bonne enveloppe, gagnez jusqu'à 10 000 euros. Inscrivez-vous au 7-10-12 en mettant Coé au début du message. Et j'appelle Gaël. Oh là là. T'appelles Gaël? Pas notre directeur de programme. Ah, non, c'est Gaël le, c'est une fille. Il n'a pas besoin. J'imagine. Allô? Oui. Gaël, bonjour, c'est Coé, comment ça va? Oui, salut Coé, ça va. Ça va bien ma belle, est-ce que tu es en forme? Oui, très en forme. Où est-ce que tu habites? J'habite à la Garenne Colombes. D'accord, très bien. Des enfants? Oui, une fille de 13 ans. Qui s'appelle? Périne. D'accord. C'est mignon. Très mignon. Très bien. Tu es Brett, choisis-moi. Oui. Stouff, Jeff, moi-même, Bordas le réalisateur. Bichette le réalisateur. Bordas, le gars qui nous a mis en tété ce soir, qui fait les réseaux sociaux. Ou Mico, trouve la bonne enveloppe et tu peux gagner jusqu'à 10 000 euros. Vas-y, je te laisse faire, je fais plus rien maintenant. Ok, bah écoute, choisis-moi. Allez, bim, c'est parti. Allez. Je ne sais pas pourquoi vous me choisissez moi. Est-ce que t'es le chef? Non, mais c'est une cata. Ça fait des jours et des jours, je vais pas tout vous dire, mais hier c'était pas moi qui les avais. Mais c'est pas notre argent qu'on donne, il faut que les gens le sachent. Quoi. Ah tiens, voilà, bah c'est pas moi. Pas moi qui les élimine. Gaël ? Oui ? Ça va te faire du bien quand même. Vous allez pouvoir vous faire des petits cadeaux. Je t'envoie 200 euros. 200 euros à la Galène Colombe, ma belle. Je te fais un gros bisou. Je t'embrasse fort, Gaël. Merci beaucoup. Bisous, ma belle. Continue de nous écouter tous les soirs, je compte sur toi. Hein. Merci, ouais, pas de soucis. Je t'embrasse fort. J'ai l'impression qu'il y a un décalage satellite entre nous et la Garenne Colombe et qu'on passe. Il y a un décalage, tu sais, de 2 heures. Quel temps il fait? Ah, bah il fait déjà nuit, hein. C'est important. Voici ramener la coupe à la maison de VG Dream. Dans un instant, le Zap Télé et on aura la compile du climat. Ça change et c'est mauvais signe, je vous le dis. Que ça ne marche comme Samuel, Samuel M.G.D. Que ça ne marche comme Samuel, Samuel M.G.D. Et s'il y a trop, on toujours appeler Benjamin Mendy. Et s'il y a trop, on peut toujours. sur Énergie. Quelqu'un lui dise qu'il change les paroles, c'est bon, on l'a ramené la coupe à la maison. Change, je sais pas, fais briller la coupe à la maison, ou laisse pas traîner ta coupe à la maison, ou excuse j'ai mis la coupe à la maison, j'ai perdu la coupe dans ma maison, tu vois, voilà, je me suis fait voler ma coupe dans la maison. Une suite, quoi. Voilà, mais une suite, il faut une suite, on a envie du tome 2. Allez, zappez les micros, il y avait quoi hier? Hier soir, j'ai regardé Cache Investigation sur France 2 et la présentatrice Élise Lucet, elle est tombée sur le monsieur Rollouman en personne. Ah. Vous connaissez ce rapport, j'imagine, A Tough Story of Leather. Il y est écrit que les travailleurs immigrés sont deux fois plus victimes d'accidents du travail que les travailleurs italiens. Est-ce que vous, vous trouvez ça normal? Vous pouvez répéter la question. Vous voulez que je répète ma question? Oui. D'accord, donc dans ce rapport qui est ici, A Tough Story of Leather, il est écrit que les travailleurs immigrés sont deux fois plus victimes d'accidents du travail que les travailleurs italiens. Mm-hmm. Est-ce que vous trouvez cette situation normale? Vous pouvez répéter la question. Ah mais je vais la répéter autant que vous voulez. Trois fois. Ce rapport de 2016, il est écrit, et je peux vous montrer les chiffres, que les travailleurs immigrés sont deux fois elle a fait plus victimes avec lui. D'accidents du travail que les travailleurs italiens. Attention. Qu'est-ce que vous en pensez? Attention. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous pouvez répéter la question. Mais non. C'est une blague. L'émission a fini à 3h du mat. À la télé aussi. Dans 90 minutes enquête sur TMC consacrée au salon de l'auto, on a retrouvé Christophe. C'est le pote, pote Olivier qui fait claquer la batterie. Fan de tuning. Alors là, on va aller faire un tour en haut de la montagne pour faire claquer un petit peu le résultat de tout ça. Plus de 2000 watts dans cette seule portière. Encore 5000 à l'arrière. Christophe ne les c'est utile. Pas. C'est parti. Po. Oh putain, quand ça s'arrête, ça fait bizarre. Ah ouais, je dirais plus quand c'est en rupture, ça fait bizarre. Ah ouais, ça fait bizarre tout le temps. Hein, 5000 watts dans une portière, c'est très utile. Je vais les mettre dans les rétros, moi je trouve, dans les roues. Ça marcherait. Mais il est encore là, il est pas fini. Ah oui, il arrive à Paris au salon de l'auto, mais là, il pleure parce qu'il lave sa voiture. Pour une arrivée en beauté, Christophe doit marquer une étape. On va aller laver la voiture, gros. Et contre toute attente, c'est un moment d'émotion. Je suis heureux. Putain, tu peux pas t'imaginer, mon pote. Montrer ma caisse, quoi. Montrer une carrette, comme dit Rollo, dans le bon vieux temps. C'est une carrette, tu vois, gros. Ah ouais, ah ouais. Voilà, voilà. C'est bah, faut, hey, tu sais quoi, il faut qu'il vienne pleurer en lavant la mienne. Je lui donnerai l'adresse, je l'ai le bienvenu quand tu veux. Hein. Envoyez vos invites, vous avez une voiture sale, vous m'écoutez, elle est sale. Envoyez-le-moi tout ça, je vais lui envoyer. Il va vous les laver, vous qui écoutez Énergie. Voici Jane. To look the natural. Things gonna be Coé, C'est le Bifor sur Énergie. En théorie, vendredi, le remaniement ministériel. En théorie, ça y est. C'est... Là, en théorie, c'est vendredi. Oui, mais ils n'ont pas dit de quelle semaine. Non, ils ont dit ce sera un vendredi. Vendredi. On ne dit pas quand. Ça doit être compliqué en ce moment pour les gars qui sont responsables de la communication du président. Je crois qu'on est en connexion avec l'Élysée. Oui, on les appelle. Oui. Allô ? C'est bon. Oui. Allô ? Oui, bonjour. Comment ça va, l'Elysée? Qu'est-ce qui se passe avec le remaniement, alors? Bon, écoutez, j'ai envie de dire tout va bien, ça va super. Emmanuel Macron souhaite prendre quelques temps pour monter une équipe cohérente et de qualité. La vérité, maintenant, s'il vous plaît? C'est la merde. Oh, c'est la merde. Tout le monde veut partir. Les autres, ils disent non, ils veulent pas venir. Oh, et c'est moi, je veux changer de métier. Mais reprenez-vous, il est où, Manu, là? Pardon. Le président travaille actuellement dans son bureau. Il est au téléphone avec ses ministres et... La vérité maintenant, s'il vous plaît. Il est prostré dans sa chambre avec son doudou. Il pleure, il suce son pouce. Oh, c'est une vision horrible. Sortez-moi de là. Mais arrêtez, je suis sûr que ça va s'arranger. Non, mais non, non, je sais pas. J'ai l'impression que ça s'arrangera jamais, oui. Dis-toi. Jamais, jamais, oui. Jamais, jamais. Non, je vous le dis jamais. Oui. Attendez, je cherche un bouton. Hein, oui. Ah, excusez-moi, pardon. Oui, téléphone. Allô? Oui. Ah, quittez pas. Oui, bien sûr, super. Magnifique. À demain, à demain. Ah, alors? Un futur ministre. Voilà, je suis content, la journée est faite. Et la vérité maintenant? Oh, c'était un mec qui voulait me vendre une cuisine. Oh putain, sentez-moi de l'air. C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie. I can't go fast enough to break free from the bond of your love. And I ain't been strong enough to let go and let go. I can't see clear enough. You left behind, and I can't get high enough to forget why I cry. So il y aura la très belle histoire du mercredi, il y aura la compile du réchauffement climatique également, 18h l'émission en public, il y aura Offenbach qui on dit pas Offenbach, on dit Offenbach. Non, je dis ça parce qu'hier tu nous as fait les five sauces, donc on s'est bien foutu de nous. Donc elle aurait été capable de nous dire ah Offenbach. Hello, welcome, on est français. Ah d'accord, autant pour moi. Willkommen. Willkommen le groupe Offenbach. Non, non, ils sont français. Nous aurons l'appel du jeu de mots pourri tout à l'heure. Vous savez, on prend trois noms de famille, fait un jeu de mots pourri. Puis on continue. Vous êtes nombreux à nous envoyer des témoignages. Continuez parce que ça nous fait drôle. On en passera plein tout à l'heure du thème de ce soir spécial DJ, hein, puisqu'on a Offenbach. Mais quand tu regardes. Ah, c'est chez Choli. Quelle ambiance fantastique. Et donc, tu vas voir, ils vont venir, ils mangent des choucroutes et tout. Mais super. On les connaît, hein. On ne regarde pas sa soirée. Et donc, tout à l'heure, n'oubliez pas, continuez de nous le dire. 0870 42 48. Le thème, c'est Last Night, a DJ for my life. Un DJ qui vous a niqué votre soirée. C'est-à-dire, tout devait bien se passer, mais ça ne s'est pas bien passé. Et une autre bonne nouvelle, nous sommes numéro 1 TT France. Ouais.

Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Modalité de l'opération disponible sur lidl.fr/club des frais. Aujourd'hui dans la famille Tout est simple, je vous présente Jean, collectionneur de baskets. On dit sneakers ? Oh pardon, donc quand Jean veut vendre ses sneakers sur des sites d'échange entre particuliers... Mais pas toutes, hein. Il choisit Colis Simon envoie en boîte aux lettres. Simple, il a franchi son colis sur laposte.fr et n'a plus qu'à le mettre dans sa boîte aux lettres. C'est le facteur qui l'enlèvera lors de sa tournée. Et ça c'est le pied. Ah mais c'est très fin ça Jean. Avec l'envoi en boîte aux lettres, envoyez vos Colissimo sans vous déplacer. Retrouvez la solution Colissimo qu'il vous faut sur laposte.fr. En octobre chez Ford, le compte à rebours est enclenché. Le monde n'a jamais connu ça. Serez-vous au bon endroit, au bon moment? En octobre chez Ford, profitez des Ford Days avec un crédit 0% sur l'ensemble de la gamme, ainsi que la TVA offerte. Les Ford Days, c'est chez Ford. Ouverture dimanche 14 selon autorisation. Offre TVA sous forme de remise de 16,67% sur le prix hors option maximum jusqu'au 31 octobre. Crédit auto 0%, 2 000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 48 mensualités de 208,34 euros. Montant total du 10 000 euros si acceptation par Ford Crédit jusqu'au 31 octobre. Voir Ford.fr. Cet automne, c'est le dernier moment pour profiter du forfait 40 gigas à 10 euros par mois chez Red by SFR. Ah ouais? Bah ouais, tu sais, l'automne. Et bah c'est un peu comme l'été. Sauf qu'il fait deux fois plus froid, que t'es deux fois plus couvert et que tu te lèves deux fois plus tôt. Ah! Mais tout a doublé ou quoi? Ouais, mais pas chez Red. Le forfait 40 gigas, c'est 10 euros par mois, sans prix qui double au bout d'un an, sans engagement, et c'est seulement jusqu'au 15 octobre. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. Rendez-vous vite sur redbysfr.fr. Le forfait 40 gigas, c'est 10 euros par mois. Uniquement en France métropolitaine jusqu'au 15 octobre 2018 pour tous nouveaux clients. Non, je sais. Apéro fleurs, c'est simple comme l'apéro. Ce sont des mini bouquets que vous choisissez en fonction de votre style, de vos envies et même de vos invités du moment. De quoi donner de nouvelles couleurs à chacun de vos moments de partage préférés. Découvrez les apéros fleurs chez votre fleuriste ou sur lajoiedesfleurs.fr. Y a pas à hésiter. Pour les derniers jours du mois Carrefour, il y a 80% d'économies sur plein de produits, comme sur le gel douche Petit Marseillais. Non mais 80% d'économies, c'est génial! Résultat des courses, ça sent bon pour ma peau et mon budget. Le mois Carrefour, c'est bientôt terminé dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Jusqu'au 15 octobre, profitez de 80% d'économies créditées sur votre carte Carrefour sur plein de produits. Carrefour. Différentes variétés, 2 x 650 ml, modalité et liste des produits sur carrefour.fr. Ils arrivent! Qui, quoi? Les extraterrestres, mec! Faut se planquer! Ok, ok, bon, allons dans mon garage. Il est anti-atomique? Non. Il est en béton armé? Un. Je crois que t'as pas bien compris, en fait. Je crois que t'es jamais monté dans mon Tiguan, en fait. Mais. Oh, monde, je te dis! Bon, moi j'y vais. On peut douter de tout, mais pas de sa Volkswagen. En octobre, pour l'achat d'un Tiguan, profitez d'une reprise plus jusqu'à 5500 euros sur votre ancien véhicule. Sous condition de bénéficier de la prime à la conversion gouvernementale. Conditions sur service-public.fr et Volkswagen.fr. Portes ouvertes les 13 et 14 octobre. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Demain, Jérémy Frérot sera notre invité. Coé public at energie.com, je crois que c'est plein. Hein. Je crois que c'est plein, mais on sera d'en caser le plus en plus possible pour vous faire plaisir. Et tout à l'heure, ça sera Offenbach. Je peux pas tout vous dire, mais avec toute l'équipe, nous allons descendre la veille des Energy Music Awards. D'ailleurs, écoutez bien Energy avec le double hit pour gagner vos invitations. Tout frais payé pour aller au Energy Music Awards. Au NMA, je vois mon verre. Allez, je comprends pourquoi ils ont mis NMA, en fait, personne n'arrive à le dire. Dites NMA. Pour aller au NMA, donc, ce sera le vendredi, veille de la cérémonie, émission spéciale en bas des marches à Cannes. Venez nous voir, on filmera une émission pour en faire une émission de télé. Il y aura toutes les stars qui viendront chanter, qui viendront faire du live. Vous allez halluciner. Et il y aura aussi les dernières places pour ceux qui n'ont pas pu les gagner sur Energy à gagner pour la cérémonie. C'est beau, non? Ouais, c'est bien. C'est beau et ça va être magique. Toutes les stars qui vont venir, ça va être magique. Pour l'instant, une bonne nouvelle? On est numéro 1 TT France. Oh là là, bravo, bravo, c'est bien joué. Le hashtag du jour, monsieur Bordas. Il n'y a pas plus relou que... Alors vas-y, il n'y a pas plus relou que... Il y a le Kabilou qui nous dit, il n'y a pas plus relou que ce moustique qui fait du bruit quand vous dormez l'été à point fermé. Celui-là, on a envie de se le faire, mais on le trouve pas. C'est, ouais, dès que t'allumes la lumière, il s'arrête. Il est plus là. Tu sais, il fait un jeu. 1, 2, 3, soleil. Il est comme ça, il est contre le mur, il bouge plus. Et dès que t'éteins la lumière, c'est tellement tu rallumes. C'est ça. Et ils font des jeux, en fait, ils s'éclatent entre eux. On continue. Il y a Mayama qui nous dit, il n'y a pas plus relou que d'attendre 2 heures chez le médecin alors que t'en as juste pour 10 minutes. Non, mais c'est pas ça. Oui, c'est vrai. Mais je suis en train de penser à un truc, c'est que tout le monde protège les animaux. Moi, le premier, regardez, on parle de la condition animale et tout. Et les véganes font très attention à ça. Alors que tout le monde s'en branle des moustiques. Oui. Je pense que les véganes, tu leur donnes une chaussure. Vas-y, y'a là ! Ah, et tu leur dis, mais c'est de la viande, rien à foutre. À l'occasion, ils viennent de tuer un bon père de famille qui avait 6000 petits moustiques qui sont là, ils font papa, papa. Ah mais non, j'en ai rien à faire, je me le fais. Tout le monde s'en moque des tout petits. Voici la belle histoire, tiens. Jolie histoire. Je vais vous la faire très rapidement parce qu'elle est belle, cette histoire du mercredi. C'est un jeune homme. C'est un monsieur qui s'appelle. Quel est son prénom, Miko, tu connais? Qui ça? Celui qui s'est fait voler ses Lego. Ah! Il est youtubeur, il s'est fait voler sa collection de Lego Star Wars. On lui a tout volé. Ouais, le pauvre. Le gars, il a fait une petite vidéo collection estimée à 16 000 euros. Il a fait une vidéo qui s'appelle Adieu. Il est là, il parle de sa collection. Et moi, je respecte. On peut rigoler, mais quand on se fait voler sa collection, on est triste. Ça, c'est son nom YouTube. Voilà, il s'appelle République Attaque. Voilà. Ok. Voilà, alors ça paraît violent comme ça, mais il fait une collection de Lego. Donc, il n'est pas méchant. Oui. Modéré. c'est un violent modéré. C'est des batailles, mais en Lego. Il renverse des renverses. Et donc, il a fait une vidéo en moins de 24 heures. 800 donateurs ont réuni les amis. 16 000 dollars. Ça fait 14 000 euros pour permettre à ce jeune Français de se racheter sa collection. C'est une belle histoire. Il était triste, il n'y avait plus rien. Alors, j'en profite pour moi passer une petite annonce. Ouais. Je me suis fait voler ma collection de Big Jim avec son quartier général d'espion, le 4x4 avec phare directionnel de la Force Condor, le traîneau supersonique ainsi que le dojo d'entraînement Big Jim. Merci d'envoyer vos dons à koe@energie.com. Merci, je compte sur vous. Ah oui, vraiment? Tu peux essayer, non? Ouais, on peut tenter. Envoyer. Ça peut se faire. Bienvenue sur Énergie. Tout à l'heure, l'émission en public et dans un instant, la compile du réchauffement climatique. Ce sont les chanteurs qui le chantent le mieux. On en parlera. Pour respecter, quand une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Jamais son dernier mot. Nanana. Et tu peux lire sous ses paupières déterminées. Elle agit, elle ne parle pas. Y'en a pas, mais si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord. Elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort. Elle va tout assumer. Très bien comment gérer sa vie. Charismatique, magique. Elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques, elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Elle va tout assumer. Dans un instant, dans le grand studio public, avec tout le public qui nous attend, c'était Dadjou. A tout de suite, on y va. C'est Koé, c'est le Bifort sur Énergie. Je vous prépare un petit appel jeu de mots. On prend trois noms de famille et on appelle, et en théorie, ça forme un truc. Et c'est quoi? Je vous dis pas ce que c'est. Ah, mais non, non, ça gâche mais tout. Mais c'est comme si je dis, je me suis embêté en remettre un paquet cadeau et je vous dis ce qu'il y a dedans en l'offrant. Non, non. Spoil-moi. Laissez la surprise. Non, je te spoil pas. Redemande-le encore, redemande-le encore comme ça. Spoil-moi. Oh, c'est marrant, c'est sexy, mais non. Attention, voici la compile du réchauffement climatique. Des experts du climat viennent de publier un rapport alarmant qui détaille les conséquences désastreuses du réchauffement climatique. Il y a encore des gens dans le monde qui en doutent. Et pourtant, les chanteurs en parlent le mieux. D'ailleurs, les Magic System avaient anticipé. Il l'avait dit, on a cru, nous, la chanteuse, c'est pas attention. Perso, moi, je pense que pour la déforestation, c'est la faute du groupe Kassav. Attention. Bah oui. Ah, on a tous dansé là-dessus aussi. Il y a des mecs qui l'ont pris au premier degré, chier, on y va. Après, on a demandé aux rappeurs ce qu'ils en pensaient. Alors, Soprano propose une solution. J'ai envie de dire, c'est pas con, mais c'est un peu simpliste. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Oui, je t'aime beaucoup, mais ça suffira pas. Ritza, lui, c'est plutôt fataliste. C'est mort, là, pour lui. Alors, on a parlé de réchauffement climatique. Bon, bah, Fatal Bazooka, rien compris. Non. Non, c'est pas le... Bon, laisse tomber. Jules, de son côté, lui, il a déjà subi le réchauffement climatique, mais il s'en fout. Et enfin, le plus pragmatique de tous, j'ai envie de dire, c'est Booba. Ouais. Booba, c'est simple, c'est efficace, c'est poétique. Le réchauffement climatique, c'est de Alain Satatamer. Voilà. Écoutez, je sais pas si ça s'enseigne dans les écoles, mais en tout cas, voilà. Encore une fois. Précise qu'il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Ouais, et alors, vas-y. Vas-y. Problème ou pas? Allez, monte le son. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Mais qu'avez-vous mangé? Mais qu'avez-vous pris? dirait une secte. Mais quel est ce public? On est rentré, on n'a même pas pu s'asseoir. Ouais. Il y avait déjà des hurlements. On n'a rien fait. Ça va, vous êtes en forme? Ouais. Mais en même temps, pourquoi poser cette question? Tout à l'heure, il y aura Offenbach qui sera nos invités avec un petit mix. Est-ce que... Ah, pardon, excuse-moi. Vendredi, on est là, évidemment, c'est l'émission en public. Oui. Vendredi, je peux mixer? Il n'y a pas d'invité. S'il te plaît. Non, on verra, on verra. Non, vendredi, on verra. Allez. Non, on verra. Il n'y a pas d'invité. Je te dirai demain. Allez. Je te dirai demain. Il n'y a pas d'invité. Mais on a plus les potes. Ok, okay, on annule Offenbach. Non, mais non. Pourquoi on verra? Pourquoi eux, ils mixeraient, pas moi. Je peux pas dire pourquoi on verra, mais on verra. Il y a une surprise. On verra pourquoi. Bon, bah, tu sais quoi, je vais mettre des petits extraits d'Offenbach. Tout à l'heure, il y aura Offenbach. Et voilà. Remets les extraits. Non. Remets les extraits. Remets les extraits. Bah vas-y, viens les mettre, les extraits. Oh, putain, oh viens, elle se lève, elle se lève. Remets-les vite. Elle arrive. Elle arrive. Ça marche à tous les coups. C'est pas crédible. Arrête de lui faire du charme. Oh, allez, c'est bon, voilà, on les remet. Que vous avez vu que j'ai tenté de danser avec Stouff, moi qui à chaque fois on dit oui, tu te moques de Stouff, tu te moques de Bordas, quand je veux donner de l'amour, ah parce oui. que je suis une boule d'amour. Quand je veux donner de l'amour, tu une boule d'amour. Ah, je... ah t'as cru quoi? Je crois qu'elle a compris une coup d'amour. Coup d'amour? Non, ça veut rien dire, je suis une boule d'amour. J'ai compris un suce-boule d'amour. Ah oui, tu es malade donc. Alors, effectivement. Gilles de la Tourette. La vache, on va appeler le médecin. Il est là. Restez calme, madame. On est là jusqu'à 20h. Je rappelle, tout à l'heure, il y a des gros cadeaux à gagner pour toute la famille. Le Kiki roule 0870 42 48. Il y a quoi une à gagner? PS4. Une PS4. Je rappelle le thème de la soirée. Si un DJ a massacré votre soirée, le thème s'appelle Last Night DJ Fuck My Life. Et vous allez nous raconter ce qui s'est passé. My life, hein? Oui, pas ma wife. Non. Mais si c'est arrivé, dites-le nous. Si c'est arrivé, c'est un bon thème. À un moment, le DJ n'est plus là, ma femme non plus. Merde. Mon cerveau a essayé de réfléchir. Nous aurons dans quelques minutes aussi. Oh là, on a plein de choses ce soir dans l'émission. Qu'est-ce que j'ai plein de trucs. Nous aurons les mots les plus fous que les voisins se laissent entre eux dans les immeubles. Nico m'en a ramené des tonnes qui viennent pas tous de son immeuble. Hein. Non, calme. Nous aurons pas mal de trucs encore ce soir. Nous aurons, je l'ai dit, le kick qui roule. Nous aurons la possibilité de vous offrir, de vous inviter aux États-Unis. Grâce à Memphis, prenez-vous en photo dans les restaurants Memphis. Et tout à l'heure, grâce à Laser Game Evolution, vous gagnez tous les jours avec le jeu des 20 secondes. Vous gagnez une invitation pour 20 de vos potes au Laser Game Evolution partout en France à côté de chez vous. Et vendredi, tirage au sort parmi ceux qui ont gagné pour gagner vos invitations. Tout frais payé pour les NMH dédiés en une fois. Bim, applaudissements. Ouais. Dans un instant, l'appel jeu de mots. Je ferai un appel jeu de mots. On appellera trois noms de famille pour voir un petit peu ce que ça va donner. Vous allez bien, l'équipe? Très bien. Oui. Je suis très content de vous avoir. Alors, il y a Jeff qui est là, il y a Bordas, il y a Mastouf, il y a Miko, il y a Bichette, le réalisateur. Je suis très content parce que je trouve, vous dire un truc, on fait une belle émission. Je trouve que le public est nombreux tous les soirs. Sur les réseaux sociaux, ça n'arrête pas d'exploser. Bon compte Twitter, le Facebook. Chaque jour, on gagne des centaines et des milliers de gens. On va fêter 2 800 000 sur mon Facebook. Et vous savez quoi? C'est un pari, cette émission. Et notre patron me l'a dit au tout début, avec ses encouragements habituels, faut que ça soit drôle. Hein. Voilà, et c'est tout. J'ai parié 2 euros. Non, mais, mais les amis, c'est un pari cette émission. Ouais. Il n'y a jamais eu ce qu'on était en train de faire là sur Énergie à 17h. Il n'y a jamais eu de talk show. Et de toute la bande FM, il n'y a pas de show rigolo à partir de 17h. Tout le monde commence à 20h. Toutes les radios font des trucs à partir de 20h, voire 21h. Mmh. Jamais à 17h. C'est un pari. J'espère que vous serez nombreux. Moi, j'aime les paris. Je suis un barjou. Il y a 7 ans, on avait fait une émission le soir. Personne n'écoutait Énergie le soir. Ça faut se le dire. C'est vrai, toute la journée, mais à 21h, il y avait une faiblesse. On a mis Énergie numéro 1. Il faut que ce soit la même chose avec cette émission. Allez. Moi, je suis un fou, moi. Moi, je suis comme le mec qui a sauté sur la Lune. Imaginez, il faut des mecs qui osent. Le gars, il arrive sur la Lune, il se pose. Il y a quelqu'un qui a sauté sur la Lune. Mais oui, le gars qui est sur le vaisseau spatial, là, qui saute de son petit vaisseau. Ah, oui. Imaginez, le gars, il n'aurait pas eu les coronets. On n'aurait jamais eu. C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. On aurait eu. J'y vais pas, les gars. Mais si, mais saute. J'y vais pas, les gars. Je le sens pas. Ça a l'air tout mou. Je n'y vais pas. J'ai pas confiance. Je vous lis quelques messages des réseaux sociaux. Oui. Allez, Coé, petit message de Marie RH à qui on fait un bisou pour rebondir sur l'histoire des bébés sans bras et des pesticides. Oui, on en a parlé hier. Ah, oui. Alors, c'est une inquiétude qui est faite pour l'instant, parce qu'il y a de plus en plus de bébés qui naissent sans bras, des malformations, et on lie ça aux pesticides. Je ne dis pas que les pesticides ne sont pas bons pour la santé, mais de là à dire que c'est à cause de ça que les enfants ont des malformations. Ma mère est agricultrice depuis l'âge de 19 ans. Elle a eu 3 enfants. Elle a travaillé jusqu'au dernier jour de sa grossesse. Elle traitait ses terres elle-même avec des pesticides. Et dose, si, et je vois pas, s'il y a 20 ans, si on part de ce principe, alors tous les enfants d'agriculteurs seraient manchots. Ce serait con pour conduire le tracteur. Je viens. prends ma succession. Et non, ça vient plutôt de choses qui ont été mangées quotidiennement par les femmes enceintes. J'ai tous mes doigts de pied, tous mes doigts. Vive les éleveurs, vive les bouchers. Gros bisous, je vous kiffe. Alors évidemment, on dit pas, on dit pas que tous les enfants qui vont naître et les enfants d'agriculteurs n'ont pas de bras. Mais c'est vrai que si tous les légumes qu'on a mangés, entre ce que rajoutent les hypermarchés en conservateurs sur les légumes, ouais, plus ce qui a peut-être été mis dans la terre, on est en train de se dire que je suis coincé dans mon blouson. Venez libérer. Il a les bras attachés dans le dos. Regarde, il a la camisole de force là. Alors, tu sais, va ramasser les pommes de terre. C'est qui le manchot là? Scotty King, je me dis, j'ai un problème depuis que je suis rentré de vacances. Je suis obligé d'arrêter de travailler à 17h pour écouter Coé. Du coup, rendement de travail pas terrible, surtout que le matin, je ne commence pas à travailler avant 9h30 puisque j'écoute Manu dans le 6-9. Eh ben voilà, ben mon pote, voilà, tu travailleras moins, mais c'est comme ça, je continue. Quoi d'autre encore? Il y a Ben Zébut qui dit Borda s'est viré. Oui, puisqu'hier on a fait croire qu'il était viré. Il met champagne. Non, c'était une blague, malheureusement. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bonjour Coé, je suis Kenza, la petite fille qui a chanté jour 1 dans ton émission. Je voulais vous dire merci, ça m'a rendu heureuse, vous êtes top. On te fait un gros bisou, ma chérie, parce que t'étais mignonne comme tout. Ouais. Message d'un mec qui met la photo de Bruyeux de Jacques Brel et qui dit non, Jeff, t'es pas tout seul, mais arrête tes grimaces, soulève tes 100 kilos, fais bouger ta carcasse. Je fais pas 100 kilos. C'est le message gentil. Il y a un message qui est beaucoup trop en avance. Alors je vais vous proposer. Beaucoup trop en avance. Et il a remis le blouson. Je vous propose beaucoup trop en avance et beaucoup trop en retard. Beaucoup trop en avance, c'est pour Jean-Philippe qui me dit Coé, c'est quand la sortie en DVD de ton nouveau spectacle? Attends qu'on le joue. Ça c'est la première chose. Ah, et ouais, je vous propose beaucoup trop en retard. Quelqu'un qui m'a dit ça va Coé, je suis ton plus grand fan, je suis étudiant et je trouve que Bérénice, elle est trop magnifique. C'est génial, elle a quitté l'émission depuis 3 ans. Bienvenue sur Énergie. Merci d'être avec nous. Sur le coup. Oh, elles sont fantastiques. Ils sont fantastiques. Allez, vous avez raison d'être avec nous tous les soirs. Dans un instant, l'appel jeu de mots. Et vous tous, 0870 42 48. Très, très beau. Et tout à l'heure, ça va faire plaisir. Très chaud, très chaud. peut-être trop, diront certains. Mais Offenbach, ils vont être contents quand ils vont les avoir tout à l'heure. Donnez pas tout tout de suite parce qu'ils mixent à la fin de l'émission. Hein. À tout à l'heure, ils vont être. On a plus du. On est mecs. Ouais. T'as des slow, s'il te plaît. Le qui roule, joue avec nous. Je veux une famille. Papa, maman, les enfants ou papa, papa, les enfants ou maman, maman, les enfants. Une famille. Tout le monde dans la voiture. 0870 42 48. Vous jouez avec nous. Il y a une PS4 à gagner. Il y aura le jeu de mots dans un instant où on appelle trois noms de famille. Et je croise les doigts, on le fait en direct. Ça peut ne pas marcher. Ah oui. Mais si on a les trois noms de famille qui répondent, tout ça réuni ensemble, ça fait une jolie phrase. Ah, c'est une phrase. Ah, ça fera, oui, ça fera un bout de phrase. Le hashtag est numéro 1 TT France. Merci de nous suivre et de jouer avec nous sur Twitter et de nous follow à Koé officiel. Qu'est-ce qu'on a par exemple? On a Harry qui nous dit: il n'y a pas plus relou que les gens qui marchent doucement devant toi en mode touriste qui visite un musée alors que toi t'es pressé et en retard. C'est vrai ça. Même dans la rue, quoi. Ah, ouais. Le hashtag c'est: il n'y a pas plus relou que. On continue. Il y a Isabelle qui nous dit: il n'y a pas plus relou que le bouchon en liège qui se casse dans le goulot de la bouteille de vin. C'est horrible. Baby, ça, je me doute bien que ça te perturbe ta vie, ça. Last night, bouchon, fuck my life. Ah bah, Jeff, ça lui fait une sale soirée. Il dit: ah bon, on va se coucher, puisque c'est comme ça. Un dernier. Il y a Ward Army qui nous dit: il n'y a pas plus relou que les couples qui s'aspirent le menton au lycée. Quoi? S'aspirent le menton. En gros, ils se foutent des pelles. Oh non, ça te saoule quand t'es célibataire ou que tu viens de manger, mais sinon, non. Reste avec nous sur Énergie, l'appel jeu de mots dans un instant et plein de surprises. Gagnez vos places parmi les stars. Écoutez Énergie toute la journée. Let's do it. Dès que vous entendez le double hit Énergie avec deux hits de Ariana Grande à la suite, appelez Énergie 3937. What's up, y'all? This is Ariana Grande. Et gagnez vos invitations pour assister à la plus grande cérémonie musicale en Europe, les Energy Music Awards. C'est génial. Le 10 novembre à Cannes. Énergie, hit music only. Toyota. Allez, on se fait un ni oui ni non. D'accord. Il est stylé ton nouveau SUV. C'est un Toyota CHR hybride? Tout à fait. C'est bien l'hybride. En plus, c'est sans condition. Du coup, t'as dit oui à l'hybride? Oui. Perdu! Oui, enfin pas vraiment, j'ai gagné 3 500 €. En octobre, dites oui à l'hybride et profitez de la prime à l'hybride Toyota jusqu'à 3 500 € sans condition sur le SUV Toyota CHR hybride 9. Estimez la valeur de reprise de votre véhicule sur toyota.fr. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers non cumulable jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Showroom privé présente. Interro surprise. Quel grand événement attend-on avec impatience pour cette fin d'année? Noël! Bien! Et quel est le meilleur endroit pour fêter un Noël magique en famille? Disneyland Paris! Bravo! Et où peut-on trouver une vente exceptionnelle Disneyland Paris en ce moment? Sur showroomprivé.com. Et si cette année vous fêtiez Noël en famille avec Mickey, Minnie et tous leurs amis? À l'occasion des 12 ans de showroomprivé.com, profitez de 35% de réduction sur les séjours Disneyland Paris. Séjour offert pour les moins de 12 ans. Showroomprivé.com. Vous changez bien ma voix, hein, parce que sinon c'est la honte, hein. Ouais, alors ouais, la reprise Argus plus 4 300 € sur l'Opel Corsa, avec climatisation, régulateur de vitesse. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, ben voyons, comme ça là, ben voyons, là, avec ce petit ton là, et ben, l'offre elle est passée. Et depuis, ben, j'ai perdu toute forme de respect vis-à-vis de moi-même. Ben, je me déteste. Jusqu'au 20 octobre, pendant les German Days Journée Allemande, les reprises ont de l'allure chez Opel. Bénéficiez d'une reprise Argus plus 4 300 € pour l'achat d'une Opel Corsa. Offre réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Porte ouverte ce week-end. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite. Sans abonnement, avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. Être à la fête, expression française qui signifie que pour l'anniversaire de la Redoute Intérieure, vous allez pouvoir réaliser tous vos projets déco. Jusqu'à moins 40% sur la maison, la literie et même l'électroménager. Alors ne choisissez pas entre le salon ou la chambre, refaites les deux. Profitez aussi de la livraison gratuite toute l'année, même sur les volumineux, avec la Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Aux céréales, cherche le fromage si savoureux qu'il n'en restera pas une miette. Justement chez Grand Frais, la tomme de Saint-Ours est à 11,99 € le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 13 octobre, 29% de matière grasse sur produits finis affinés en Haute-Savoie. Pour votre santé, bougez plus. Papa, on voudrait partir en week-end avec Hugo et Thomas, mais on aura besoin de ta voiture. Et qui va conduire? Thomas, il vient d'avoir son permis, mais il conduit pas bien. Bon, ok. Oh, merci. Dis-moi, Thomas, c'est bien celui qui est hyperactif? Ouais, mais ça va mieux. Parfait. On peut douter de tout, mais pas de sa Volkswagen. En octobre, pour l'achat d'un nouveau T-Roc, profitez d'une reprise plus jusqu'à 3 500 € sur votre ancien véhicule, sous condition de bénéficier de la prime à la conversion gouvernementale. Conditions sur service-public.fr et volkswagen.fr. Portes ouvertes les 13 et 14 octobre. Intermarché vous propose d'écouter l'arrivage du jour. Dès aujourd'hui, le filet de saumon est à 11,90€ le kilo. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à demain, chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Élevé en Norvège ou au Royaume-Uni, selon approvisionnement. Conforama, le confort pour tous. En ce moment, chez Conforama, il y a jusqu'à moins 40% sur les cuisines. Oui, jusqu'à moins 40% sur tous les styles et tous les coloris. Pour enfin vous offrir la cuisine de vos rêves. Conforama, jusqu'au 19 novembre, conditions en magasin et sur conforama.fr. Elle habite dans ma ville, quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr, même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute, elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine. Je le ferai pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire? Une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma bella, hey, aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chez là pour toi, ma bella. Aïe, aïe, aïe, aïe. Hey, ma bella, hey, aïe, aïe, aïe, aïe. D'avoir un sourire, un regard ou un petit câlin. Aïe, aïe, aïe, aïe. Seen a lot of girls in my life, now I've seen you, I can't move. Give me dance now, can't move on. Oh, my girl so sexy. The way she dance so sexy. So she give me love sexy. You making me once more sexy. Girl, with your sexy body, come and chop my money, yo. Ay, ay, ay, ay. Oh, yeah, take all my money, put them for your head. Ay, ay, ay, ay. Make we Maya, they go, baby girl, so. Ay, ay, ay, ay. Make you follow me, go make you drop all my money. Elle va trouver le bonheur. Elle est rentrée dans ma life et mon cœur elle a mis game over. Hey ma bella, hey, aïe aïe aïe aïe. Mon cœur va chier là pour toi ma bella. Aïe aïe aïe aïe. Hey ma bella, hey, aïe aïe aïe. Mon cœur va chier là pour toi ma bella. Aïe aïe aïe. Tout le monde. Ah bah demain Jérémy Frérot viendra et je crois que demain on aura un truc complètement féminin dans le public. Je pense qu'on aura un public 100% féminin. Peut-être 2-3 mecs venus accompagner les copines pour parce qu'ils n'ont pas confiance. Mais je pense que demain il y aura beaucoup de filles. C'est normal, c'est le romantisme Jérémy Frérot. On vient de mettre une vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous vous souvenez quand il y avait Jamel et Kev Adams qui devaient partir à l'émission à TPMP. Oui, et oui, on a notre Guy Claude qui a fait Cyril Hanouna. Faut que vous voyez la tête ils hallucinent. De Kev et de Jamel. On vous a mis la vidéo parce que c'est à mourir de rire. Ah, tu les griffouilles. Ah, je les griffouille, c'était une darka, j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé, je les embrasse. Et allez voir la vidéo, les amis, c'est une darka. C'est, voilà. C'est sur ma chaîne YouTube, allez voir ça, vous allez adorer. Avant de faire le jeu de mots, je voudrais vous dire qu'on est toujours numéro 1 TT France avec le hashtag. Il n'y a pas plus relou que... Le spécial ce soir, enfin spécial DJ vu qu'on a Offenbach. Tout à l'heure, il y a donc des petites annonces de gens qui recherchent des DJ pour un mariage. Eh bien, DJ Babas va se présenter. Oh, bah, bien sûr, tu vas te proposer. Les amis, je vous préviens, j'ai préparé des sons. Ah ouais. C'est vrai. Je pense que la personne peut finir sourde avant la fin de la conversation. J'ai mis la chambre d'écho, j'ai mis tous les sons, j'ai mis tout ce qu'il faut. DJ Babas est dans la place de Night. Est-ce que le public est C'était un petit exemple. C'était un test. Bon, en attendant, avant l'appel jeu de mots, je vais commencer à vous lire quelques mots. Alors, ça se balade sur Internet, Miko les a rassemblés. Les mots que les gens se laissent dans les ascenseurs, ça ne parle qu'aux gens qui vivent en immeuble. Mais ils sont nombreux dans les grandes villes. Et des fois, il y a des mots qui sont laissés par les voisins. Toujours. Ouais, bah et des fois, les gens les mettent en photo, les prennent en photo et les mettent sur les réseaux sociaux. Je vais vous en lire quelques-uns. Okay. Je ne sais pas si je peux tout lire. C'est les vrais mots. Ça a été mis dans un ascenseur, donc je peux le lire. Cher voisin, à l'occasion du Nouvel An, nous organisons une soirée avec nos proches. Alors nous allons prendre de la cocaïne, fumer des joints, boire comme des trous et danser en talons jusqu'à l'aube. Si vous subissez la moindre gêne durant cette nuit, restez chez vous et patientez. La nouvelle année sera pleine de bonnes résolutions. Joyeuse année, les vilos du 6e étage. PS, nous avons bien noté que vous appréciez notre humour, et nous vous adressons également nos meilleurs vœux. Et les gens mettent des bisous, ils mettent bonne année. C'est rigolo ça. Bon, rigolo. Tout n'est pas rigolo. Hein. Non. Alors, les mots, il y en a un qui dit « Mon bébé de 3 mois n'étant pas une chenifi, il est inutile de tambouriner au mur lorsqu'il pleure. Bonjour, je vous remercie de votre compréhension et me permet de vous offrir cette paire de boucles d'oreilles. » Et elle met des boules quièces, tu sais. Okay. Oui. Voilà, PS, normalement, il s'insère dans les oreilles. Cependant, vous pouvez vous les mettre où vous le voulez, tant que ça vous détend. Ouais, sans haine ni violence. Hein. Attention, je vous refais un message vénère. Ouais. Ah non, c'est un message. Oui, c'est un message vénère. Ah, la pétasse blonde avec la Clio blanche. Madame, ça fait plusieurs fois que je rentre dans la résidence en voiture et que vous sortez du garage tout terrain. Gentiment, je recule pour vous laisser passer. Je n'ai droit qu'à votre indifférence, par un merci, par un petit signe de la main. Est-ce que ça vous écorcherait la gueule de dire bonjour à vos voisins? Ne soyez ni snob ni hautaine, vous finirez comme tout le monde en poussière, un de vos voisins. Et bonne journée. Alors, il y en a un plus simple. Merci de bien vouloir fermer votre porte et ouvrir vos fenêtres quand vous fumez des pétards. Merci beaucoup. Sans vouloir vous déranger. Je vous en fais un dernier. Allez. Il y a une plante dans l'immeuble et il y a quelqu'un qui a mis un petit panneau sur la plante. L'énorme. Bonjour, je m'appelle Claudette. Je suis une plante et non un cendrier, connard. Alors, on peut devenir très proche si tu m'arroses avec de l'eau. Car vois-tu, je suis pas ta femme. Pour toute réclamation, merci de bien vouloir contacter les deux gros barbus de la porte à gauche. Assurez-vous d'avoir souscrit à une bonne mutuelle dentaire avant de sonner. Bisous. Ils sont magiques. Dans un instant, l'appel jeu de mots. Pourquoi tu me donnes ça depuis 4 fois? C'est 4 fois que tu me prends cette feuille et tu me la mets là. Il y a 20 secondes qui va arriver. Eh ben parle-moi. Le mec, sans déconner, il a une fonction dans l'émission, il prend la feuille depuis tout à l'heure. Ça fait 4 fois depuis 18h. Il le fait pour pas te déranger. Mais il te reste là. Si vous voulez discret, c'est mort. Non, mais c'est super relou. N'importe qui serait chez lui, ferait un truc, quelqu'un arrivait derrière et fait. Il arrive. Voilà. C'est pour gagner les packs Laser Game Evolution. Ah oui, bah oui, bah c'est de toi que je parle. Hein. PS, n'oublie pas. Ah. Oh là là. En attendant, donc, vous voulez gagner le pack Evolution. C'est ça le pack Evolution avec Laser Game Evolution 0800 70 42 48. C'est ce fameux papier. Et vous jouez avec nous dans un instant. Tu le remets une fois. Hein? Comment? C'est fini. Voilà. Oui, parle pas. Ne... 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. I never knew anybody. sur Énergie. Avec un public de malades, venez nous voir. Coé public at energie.com. Venez avec nous dans le studio. Venez participer à cette ambiance. Tout à l'heure, il y aura Offenbach qui seront nos invités. Ça va être une tuerie. Le nouveau, il est bien aussi. Hein. Et ils vont mixer à la fin de l'émission. Ce soir, le thème, c'est DJ. Donc, je rappelle que vous nous appelez 0870 42 48 avec le thème Last Night DJ Fuck My Life. Tous les DJ qui ont raté votre soirée, racontez-nous tout ça. On a des perles incroyables. Et je juste aussi, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fera DJ Babas? Puisqu'il y a plein de gens qui cherchent toujours des DJ pour des mariages. Eh bien, DJ Babas va s'en occuper. Est-ce qu'on a dans l'équipe des gens qui ont déjà fait une soirée avec un DJ qui a tout foiré? Alors, moi, j'ai fait le DJ à un mariage et j'ai un petit peu foiré le truc. C'est-à-dire? C'était ton mariage à toi. Et ouais, et enfin, c'était il y a longtemps, et en fin de soirée, je sais pas pourquoi, je suis passé derrière les patines, il y avait plus personne, et j'ai mixé de l'accordéon avec de l'accordéon pour voir ce que ça donnait. C'est moche, c'était moche. C'était dissonant. C'est pour ça que les gens le font pas. Voilà. C'était à son mariage donc. Oui, mais vers vraiment la fin de soirée. Ça l'a pas marqué. C'est à cœur du mat. Ah, c'était bordasse, non? Non, moi ça m'est jamais arrivé. Jeff? Alors moi c'était pas une soirée, c'est un peu plus glauque, c'était dans un enterrement. Il y a des DJ d'enterrement? Non, mais. Ok, j'espère que ça va bien ce soir! Pendant l'enterrement, c'était quelqu'un de très très proche, qui avait demandé expressément des morceaux pendant le. Mais pas de dance! Non, des morceaux à elle. Mettez-moi un partenaire particulier. Mesdames, messieurs, la queue leu-leu. À la mémoire de Josiane. Je suis un être à la recherche. Non, et nous continuons, tu tapes. C'est ta façon de. Ceci dit, grosse ambiance. Bah ouais, non, mais oui. Il m'entraîne que ça, qui ça? Où ça? Les démons de minuit. Oh mince. Alors, pardon Jeff, pardon. Non. Plus c'est quelqu'un de proche. Oui, c'est quelqu'un. Non mais bon, avec le recul. Et en fait, le curé avait mis tous les morceaux sur un vieil ordinateur. Et quand il mettait le morceau, il prenait son micro, il mettait sur l'enceinte de l'ordinateur et ça faisait. Il entendait le morceau très très loin avec. Hein. Oh non. Ben oui, mais il n'est pas DJ, il est curé. Ah bah oui, voilà. Bon, en attendant, moi aussi je vous en raconterai, il s'en est passé, j'en ai eu des jolis. Bertrand, mais vous savez, maintenant le problème c'est qu'il n'y a plus personne qui vient vous demander des trucs quand non, vous êtes fini. DJ. Parce que quand je mixe, tiens d'ailleurs si vous habitez Bordeaux, 19 octobre. Vendredi prochain, juste après l'émission, je prends un avion, on se retrouve à Bordeaux à la plage, on va faire un gros mix, une belle soirée énergie, vous allez adorer. Et maintenant on est éloigné malheureusement des gens, parce que souvent c'est des gros clubs et les gens ne sont pas vraiment, vraiment à côté. Donc moi je me rapproche, mais voilà. Et d'ailleurs ça fait donc très bizarre. Quand t'as des gens, maintenant, tu te retrouves des fois dans un club où il n'y a pas l'espace, tous les gens sont autour de toi. Et t'as des fois le DJ, et moi je les embrasse, les DJ, parce qu'ils font un boulot fantastique. Mais des fois, il est là, il est content que tu sois là, donc il picole. Ouais. Et il revient une heure après, le gars, il est comme ça, parce qu'il sait que ce soir-là, il a droit. Et toi, tu bosses, et le mec, il fait ah, j'ai trouvé ! C'est super ! Attends, je prends le micro. Il y a Coé, allez, tu fais un grand micro. Alors, c'est chaud. Bertrand, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Alors, salut Coé, salut l'équipe. Et salut Bertrand. Salut. Bertrand. Salut. Bonjour. Et Bert. Moi, c'est en gros l'anniversaire de mon. Excuse-nous, tu fais autre chose en même temps ? On voudrait pas te déranger si t'as un truc de. Tu fais quelque chose, non ? On est plein déménagement, là. C'est ça. Je crois qu'on vient de te voler tes meubles pendant que tu parlais, Bertrand. Tu t'es fait saisir, là. Non, c'était à l'anniversaire de mon grand-père. Non, Bertrand, on va faire un effort. Il est dans une église. Bertrand, où tu es prêtre et tu viens réagir à ce qu'on vient de dire. Ou tu n'as plus de meubles et je peux le comprendre parce que tu aimes ce qu'ils aiment, les feng shui. Ça résonne, Je suis prêtre et j'étais avec des enfants. Voilà. Alors donc. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a dit mon... ouais, non, il a dit. Je vois pas une vanne. Oh, pas de vanne comme ça. Mais non. Oh, c'est fille. C'est un gars, ces vannes-là. Curé, enfant. Oh, ça a été fait mille fois. Bon, explique. Non, mais c'est vrai. C'est vanne de trop. Alors, vas-y. C'est là. Non, mais vanne de trop. Les histoires, c'est vous. Les vannes, c'est nous. Chacun son boulot. Laissez-nous faire. D'accord. Sinon, vous racontez des conneries grosses comme vous. On a des problèmes. Après, on se fait engueuler. Donc, non, ça va. Alors que c'est pas de notre faute. Alors, c'est pas de notre faute. Je commence à en avoir ras-le-bol, moi. Chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est parce qu'un auditeur a dit un truc à un autre auditeur, c'est moi qui prends derrière. Je comprends comment ça me saoule. Je vais faire des émissions sans auditeur, ça va être vite dur. À un moment, on va se parler entre nous. Comme just ça. Coé. Voilà, parce que ici, quand quelqu'un fait une connerie, bim, je suis à portée de main. Mais là, c'est gênant. Alors, Bertrand, qu'est-ce qu'il a fait le DJ ? Alors, moi, le DJ, anniversaire de mon grand-père, donc à ses 80 ans, il a passé du son comme en boîte de nuit, quoi. Comment dire qu'à la campagne avec tous les petits vieux et la famille, c'est le bordel quoi. Le mec il a mis de l'électro c'est bien à l'anniversaire de papy. Remarque. Ouais, sauf qu'ils étaient pas forcément ambiancés avec les déambulateurs et tout quoi. Oui, est-ce que c'est le meilleur public pour ça? Je suis pas sûr. Non, c'est vrai que si papy se jette dans le public, pas sûr de se relever. Heureusement qu'il y a mon oncle qui se balade toujours avec des tablettes, des trucs comme ça. Il avait sa clé USB avec du son des années 80. Ah, ça a très trouvé l'ambiance. Mais voilà, quoi. Je te fais un bisou, Bertrand. Je t'embrasse. Ouais, bisous. À bientôt. La vanne de trop, n'en fais plus. Attention, en attendant, je fais l'appel jeu de mots. Vous êtes prêts, ça va aller très très vite. Je suis pas sûr que ça marche. Nous appelons trois personnes mis bout à bout. Ça fera un truc en thème avec la soirée. Nous allons appeler monsieur Toum. J'ai monsieur Ouvi et j'ai monsieur Alak. Nous commençons par Alak. Ah oui, je l'ai. Bon, vous allez tous l'avoir. Dans 30 secondes, vous allez le comprendre. Bon. S'il marche, il est énorme. C'est bon. Oui. Il faut que je garde le premier. C'est toujours le. Allô ? Ouais. Monsieur Alak ? Ouais. Ouais. Bonjour, c'est Koé à l'appareil. On est sur Énergie. Comment allez-vous ? Ça va. Ça va bien. Je vous dérange pas. J'ai quelqu'un en ligne. J'ai monsieur Toum. Monsieur Toum, vous êtes là ? Ouais. Allô ? Allô ? Madame Toum. Pardon, madame Toum. Vous êtes là ? C'est sa fille. Bonjour, la fille de madame Toum. Mais vous êtes quand même madame Toum ? Oui, oui, oui. Alors, j'ai monsieur Alak et madame Toum. Vous pouvez vous dire bonjour ? Bonjour. Bonjour. Voilà. Et nous attendons une troisième personne. J'espère qu'elle va. Ne raccrochez pas. Voilà. Nous avons monsieur Ouvi ou madame Ouvi. Vous êtes là ? Allô ? Allô ? Monsieur Ouvi ? Oui. Alors, répondez à l'appel de votre nom. Alak ? Non. Oui. Alak ? Oui. Toum ? Ouais. Ouvi ? Ouais. Alak to movie, movie. Alak to movie, movie. Alak to movie, movie. Alak to movie, movie. You like to movie. To movie, movie. Avec trois personnes, on s'amuse. Bienvenue voilà. Sur Énergie. Il y a toujours madame Toum. Madame Toum ? Oui. Belle soirée. Au revoir, madame Toum. C'est maître Gims. Sur Énergie. Bienvenue. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Et mais dis-moi ce qu'on a fait. Et mais dis-moi ce qu'on a fait. Je suis posé sur mon divan, je regarde la télévision. Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans. Assombrir ma vision, pourtant le soleil est présent. Les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre. Obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans les ans. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge je descends. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Et mais dis-moi ce qu'on a fait. Et mais dis-moi ce qu'on a fait. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre. Sont trop pleurés. C'est Coé sur le jeu des 20 secondes dans un instant. Alors, Koffenbach seront nos invités tout à l'heure. Le jeu des 20 secondes, vous connaissez le principe, c'est pour gagner la possibilité d'aller dans le Laser Game Evolution de votre ville avec 20 de vos amis faire un Laser Game. Et en plus, vous regardez toutes vos coordonnées, chaque gagnant toute la journée. Vendredi, tirage au sort et une personne gagnera pour deux personnes. Donc, elle a intérêt à avoir des amis. Si elle en a 20, elle peut en avoir un deuxième. Bah oui. Pour aller faire un tour au Energy Music Award, tout frais payé, transport, hébergement et tout. Mais à la demande générale, j'ai encore quelques mots de voisins. Allez, on fait les mots de voisins. Oui. Il y en a des bons. Je rappelle donc des mots qui ont été laissés dans les cages d'escalier par des voisins. Des vrais mots. Qui ont été mis sur les réseaux sociaux. Alors, au lieu de prendre les pièces de mon vélo une par une, faites-vous plaisir, prenez le vélo entier. Merci. Oui, merci. Alors ça, j'adore. Celle-là, je l'adore. Pas la peine de sonner pour me demander des bonbons. Raison 1, les bonbons, ça donne des caries. Raison 2, je suis pas un supermarché. Raison 3, je fête pas Halloween. Pourquoi ? Parce que je m'en bats les couilles. C'est clair. Donc si tu sonnes, fais quand même attention. J'ai un chien énorme et des poings qui font très mal. Oh le gars, c'est le mec sympa. Pour les gamins en plus. Oh, ouais, grave. C'est horrible. Mais non. Avis aux deux crétins qui ont uriné cette nuit depuis le balcon du 6e étage. Le respect d'autrui n'a rien à voir avec l'élevage des porcs. La prochaine fois, pissez sur un terroriste. Votre voisin du premier, pas content du tout. C'est vrai que ça va. J'adore les changements de voix à chaque fois. Ah mais c'est vrai que ça va le neutraliser, le terroriste. Ouais, j'en ai encore un et je ferai la suite tout à l'heure. Un dernier. Ouais. Merci aux dindes du 4e étage d'apprendre le respect de ses voisins et de la mettre en sourdine pendant la prochaine soirée karaoké. Merci. En même temps, une soirée karaoké en sourdine. Tu tapes. Bah, ça marche avec Mylène Farmer. Oui. Ou Etienne Dao. C'est plus calme. Yeah, mais il était à fond là. Je suis à fond. Et Mylène Farmer, c'est pareil. Imagine un duo. Yeah, je suis à fond. Et Alain Souchon. C'est pareil, même combat. On fait un bisou à Célia. Ça va, Célia? Bonjour. Célia de Villetaneuse. Bonjour. Salut. Bonjour Célia. Ça va, Célia? Oui, super. Ça fait plaisir de t'avoir au téléphone. On dit bonjour à Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Ça va? Et nous avons Christelle du 77. Bonjour. Salut. Non, salut, non, c'est pas salut. Oh là là, le mot de passe, c'est bonjour. Non, c'est pas bonjour en chantant comme une boulangère. Bonjour. Non, c'est bonjour. Bonjour. Alors, voilà, c'est facile. Bonjour. Si vous voulez le faire chez vous, ça s'écrit B-O-N-C-H-O-U-R-I-N. Et il y a même 3 N, ça fait bonjour. Pas compliqué. Alors, on va le refaire. Christelle, bonjour. Bonjour. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Hein? Bonjour. Hein? Bonjour. Voilà. Célia, bonjour. Bonjour. Eh ben, vous attendrez. Maintenant que je vous ai dit bonjour, vous attendrez toutes 3 minutes. On joue dans 3 minutes. Restez avec nous. Vous jouez avec nous et vous allez peut-être gagner vos invités. Et peut-être vendredi. Allez au Energy Music Award, tout frais payé. Restez avec nous. Merci de passer du bon moment. Nous, on est bien. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Energy. 61% des gens avouent être prêts à rompre avec quelqu'un pour leur animal de compagnie. Wow. J'aime pas ton chat, j'ai du mal avec les chats, je romps. Bah oui, je vais pas dégager mon chat, tu vois, il va pas trouver d'autre habitat, moi, par exemple. Et du coup, tu dégages ton mec. Bah lui, il trouvera un autre habitat. Et toi, tu restes seul. Eh oui. Avec ton chat. Eh oui. Oh merde. Manu dans le 6-9. Manu, papa, palabin. 6h, 9h30 sur Énergie. Être à la fête, expression française qui signifie que pour l'anniversaire de la Redoute Intérieure, vous allez pouvoir réaliser tous vos projets déco. Jusqu'à moins 40% sur la maison, la literie et même l'électroménager. Alors ne choisissez pas entre le salon ou la chambre, refaites les deux. Profitez aussi de la livraison gratuite toute l'année, même sur les volumineux, avec la Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Allô, bonjour, je cherche une citadine pratique et compacte. Bonjour madame, je vous propose Fiat Panda à 5 990 €. C'est une 5 portes ? Oui, 5 990 € avec 5 portes et climatisation. Génial. Et elle bénéficie de la prime à la conversion? Évidemment. Et du bonus EcoFiat. Mais elle a combien de kilomètres? Mais elle est neuve, madame. Fiat Panda est à partir de 5 990 €, prime gouvernementale et bonus EcoFiat dédié. Offre sous condition de reprise, incluant la prime de conversion de 2 000 € et le bonus EcoFiat 2 000 € jusqu'au 31 octobre. Détails sur Fiat.fr. Portes ouvertes ce week-end. Fiat. La bonne idée bute pour un sommeil réparateur. On s'allonge, on bouge plus. Oh,

Mais tout a doublé ou quoi? Ouais, mais pas chez Red. Le forfait 40Go, c'est 10€ par mois, sans prix qui double au bout d'un an, sans engagement, et c'est seulement jusqu'au 15 octobre. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. Rendez-vous vite sur redbysfr.fr. Le forfait 40Go, c'est 10€ par mois. Uniquement en France métropolitaine jusqu'au 15 octobre 2018 pour tous nouveaux clients. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. I'm left there with my thoughts. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. I want you to be happier than only for a minute. I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. Il faut rire au moins 5 minutes par jour. Avec Coé, vous allez vivre jusqu'à 120 ans. Minimum. Ça va être long, mais c'est ça qui est bon. Ouais. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Tout à l'heure, le groupe Offenbach sera nos invités. C'est officiel, je pense que quelqu'un a drogué ce public. Qu'est-ce que vous leur avez donné? Quelqu'un a payé le public? Vous avez fait quelque chose? Ils sont chauds. Fares, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais rien du tout, depuis tout à l'heure je saute partout et ils me suivent, donc tant mieux. Ils me suivent. Pourquoi tu sautes partout aussi, toi? C'est ce que je fais tout le temps, tous les jours. Vas-y, mais personne ne regarde. Je te jure, c'est vrai. Vas-y, saute un peu. Tu fais bien. Tu sautes comme ça d'habitude? Ouais, je te jure. J'ai jamais vu. Tout le temps avant l'émission. Ah ouais, avant. Ouais. Ça sert à quoi? La radio? De quoi? Ça sert à quoi la radio? Bah rien, ça les dynamise, après on est tous en forme, regarde la preuve. Ah oui, avec Fares vous perdez 2 kilos. Ah bah. Vous venez à l'émission, il fait coach public et Zumba. C'est du jamais vu ça. C'est rare hein, de combiner les métiers comme ça. Bon, en attendant, donc ils seront nos invités tout à l'heure. Demain, Jérémy Frérot. Vous savez quoi, DJ Babas le mettra dans son mix tout à l'heure. Mais non. Ah, très bien. Si. Dans un instant, j'appelle, puisque le thème de ce soir c'est DJ. J'appelle, oh, je vais pas parler. Quelqu'un qui est à la recherche d'un DJ pour son mariage qui aura lieu au mois de juin 2019 en Savoie. Donc évidemment, il y a écrit, si vous êtes disponible à cette date, n'hésitez pas à me contacter en communiquant vos tarifs. Bon, DJ Baba, c'est pas une question d'argent. Un peu quand même. Mais non, c'est que l'ambiance qui compte. Célia oui. est toujours là depuis 30 minutes maintenant. Bonjour. Rebonjour. Il y a toujours Stéphanie. Rebonjour. Bonjour. Bonjour. Et toujours Christelle, rebonjour. Bonjour. Bonjour. L'avantage, c'est que vous êtes tous entraînés, vous êtes super. Voilà. Voici les questions toutes en 20 secondes. 20 secondes maximum, nous notons le maximum de réponses que vous nous donnez. La gagnante gagne son pack Laser Game Evolution pour aller avec ses amis. Il faut en avoir une vingtaine. Pour aller avec ses amis faire du Laser Game. Et vendredi, tirage au sort pour aller au Energy Music Award. Qu'est-ce qu'il y a encore, Jeff? Non, mais je pourrais pas faire un Laser Game du coup. Moi. Pourquoi? J'ai pas fait un pote. T'as 20 potes, toi? Bah, t'as tes potes, les potes je de tes potes. Ah oui, c'est 20 en 20, deux, oui. Vous êtes 2, 3. C'est mignon. On n'est pas tous tes potes. Ah non, mais il y en a même aucun ici, donc. Ah mec, j'allais le défendre. Vas-y, crève son pote. Allez, tu sais quoi, c'est normal que tu. Non, non, il y en a que deux parmi nous. Va faire ton émission dans le couloir. Attends, deux parmi nous. Il y en a que deux parmi nous. Mais c'est pas bien ce que tu dis. Bah, je dis pas qui, par contre. C'est méchant. T'as regardé Nico et moi, on a compris que c'était nous. Arrête. Merci, Jeff. Ok. Bon, écoute, toi, tu t'es déjà fait virer hier, alors. Je ne cherche pas. T'as de la chance qu'on soit numéro 1 France ce soir. Nous allons commencer par Célia. Célia, concentre-toi. Je veux un maximum de bonnes réponses en 20 secondes. Je veux un maximum de couleurs. Top. Jaune, blanc, rouge, vert, orange, violet, arc-en-ciel, blanc, noir, violet, caramel, oui. Doré, argenté et beige. Beige. Bon, si j'étais pénible, je dirais fini. Si j'étais pénible, je dirais que blanc est-ce une couleur? Non. Et en plus, elle l'a dit deux fois. Non, en plus, elle l'a dit deux fois. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est un bordel de couleurs. C'est, ah oui. C'est une partouze de couleurs. Mais ce n'est pas. Des iguales. Célia, nous notons. Mais c'est bien quand même. C'est bien, Célia. Il y a la personne qui a raccroché. Frérot. Hein. Rappelle tout de suite, frère. Putain, Jean Massera. Elle a raccroché, Bon, on va faire Christelle, dans le 77. Christelle. Oui. Christelle, en 20 secondes, je veux un maximum de mots commençant par la lettre M. Top. Maman, mardi, mercredi, Marie, Mercedes, marmelade, mot... malade, maladie, mouroir, mourir, mortadelle, Marie, mère. Non, il y avait mère et qui est arrivée trop tard. Je pensais que quand elle a fait mardi, mercredi, je pensais qu'elle allait me tenter le meudi. Meudi, meudi, mardi, mardi, dimanche, mardi et puis mardi. Voilà, bah ça en fait 7 ans déjà. Hein. Elle a fait 12. Merci Christelle, on vient de récupérer Stéphanie. Rebonjour hein, Stéphanie. Rebonjour. Elle est en Ardèche, Stéphanie. Tout va bien en Ardèche, il a fait beau aujourd'hui. Tout magnifique, hein. Bon, tout pourri. Ah merde. C'est dommage. Quel temps, quelle ville exactement en Ardèche? Je suis à Soyons, à côté de Valence. D'accord, tu es prête? Tu as 20 secondes pour me donner un maximum de films. Top. Alors, le Grand Bleu, oh, c'est dur, King Kong, je rappelle Les que... Visiteurs, n'est pas un film. Les Visiteurs 2. Alors, ouais, ma chérie, c'est énorme. Je sais qu'en Ardèche, on en est qu'aux Visiteurs 2, mais il y a eu d'autres films. Sache que le reste de la France a eu beaucoup d'autres films. Les couleurs et les Montparnasse, c'est plus facile. Alors, à moins qu'il y ait un film en Ardèche qui soit sorti qui s'appelle auquel cas, je te le valide. T'as même pas dit, donne-moi un film qui commence par la lettre. Ah bah oui. Non, c'était facile, c'était ouvert. Regarde, on va faire l'expérience avec Miko. Film, top 20 secondes. Avec moi? Oui. Star Wars, La planète des singes, Matrix, Le grand blond est, avec une chaussure noire, Rabbi Jacob, Il était une fois à l'Amérique. Tu vas prendre les trucs à la vie décomplexée des grenouilles en partie asiatique. Je suis timide, mais le mec il prend que des noms, titres longs. C'est vrai, en plus. Mais pourquoi t'as pas pris Red, Thor, Batman, Spider-Man? Le mec qui collectionne tous les super-héros, il m'a pris des films les plus longs du monde. C'est vrai. Le pont de la rivière, quoi. Il est vampire contre-attaque contre les zombies tueurs. Les secrets professionnels du professeur Applegluck. Bon, alors on y va. Stouff, t'as compté? Oui. Merci pour cette réponse, mais je voudrais avoir le résultat. Donc, j'imagine les élections présidentielles. Avez-vous le résultat? Oui. Oui. Eh bien voilà. Bon 4 week-end. Pour Stéphanie, 12 pour Christelle et 13 pour Célia. Donc c'est Célia. Et donc c'est Célia. Célia, ma chérie, c'est toi qui gagne. Allez, bravo Célia. Vendredi, tirage au sort. Tu seras peut-être invité au Energy Music Award, mais d'ores et déjà avec une 19 de tes copains au Laser Game Evolution, où tu veux partout pour t'amuser. Oui. Oui, super. Merci, merci beaucoup. Maintenant, il manque plus que les animaux. Eh ben, je te le souhaite. Je croise les doigts pour toi. Est-ce que tu veux passer un petit mot, Stéphanie, avant de raccrocher, un petit message, un petit bisou à quelqu'un? Oui, déjà merci beaucoup à vous tous. Et puis je fais gros bisous à toute ma famille et mes amis. Bisous. Eh ben, on les embrasse. Bisous à tout le monde. Christelle, un petit message avant de partir. Ben merci, et puis je dis à mon fils, ben je t'entraîne la prochaine fois, désolé. Oh non, oh non, me sors pas les enfants, pas ça. Pas le truc de je dirais à mon fils non, qui est en train de pleurer non, contre le radiateur. Non, il pleure pas, c'était pour son anniversaire. C'est pire. Parce que, et là elle va rajouter, non, parce qu'on n'a pas eu d'argent pour lui faire un cadeau. Il écoute pas, j'espère qu'il écoute pas parce que je suis dans la voiture, dans la maison. Je lui ai fait quand même un beau cadeau puisqu'il joue au foot et son rêve c'est de voir Kylian Mbappé, son idole, et je lui ai pris des places mardi pour France-Allemagne. Ça c'est un beau cadeau. Ça c'est bien, très joli. Donc je pense que je mérite de meilleure maman. Est-ce que t'es au courant d'un truc? Est-ce que t'es au courant qu'il joue pas mardi? Non, pas ça. C'est pas une vanne, il est blessé, il joue pas mardi. Ah ouais? Pendant un moment. T'es sérieux, tu savais pas? Au moins, il y aura Griezmann et Giroud. Alors non, Giroud, il joue pas. Et Griezmann, il rentre. Ils sont tous blessés. Voilà, ils prennent que des supporters pour les remplacer. Mais là, il sera là, Mbappé. Je te fais un gros bisou. Souhaite-lui un bon anniversaire pour nous. Bisous, ma belle. À bientôt. Allez, à la caméra. Il m'a dit, t'es où? Je te rejoins, t'es là. Moi, je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a fâché. Je suis pas tout plan bête, à ma tête fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi, je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, je suis trop loin. C'est le moment de DJ Babas. Alors, DJ Babas, passez-moi la petite annonce des amis que j'ai laissée là-bas. Allez, là. Merci, mon Guy Claude. Ouh, je te greffe fouille. Alors le public, nous allons faire une petite annonce puisqu'on a Offenbach qui sont là tout à l'heure, donc c'est ambiance DJ. Le public, à tout moment, DJ Babas peut avoir besoin de vous. Donc si DJ Babas a besoin de vous et vous dit, est-ce que ça va le public, vous faites ouais. Pas trop long, pas trop long, sinon ça tue l'ambiance, on va le refaire. Est-ce que vous êtes là ce soir ouais. Eh oui, puisque DJ Babas a toujours éventuellement une chambre d'écho avec lui. Une soirée réussie, une soirée DJ Babas. Il y a de l'écho. Tout est réglé, il y a de l'écho. On y va, on peut passer un coup de fil. La petite annonce. Donc, nous sommes à la recherche d'un DJ pour notre mariage qui aura lieu le 8 juin 2019. C'est ça, hein. Ça tombe bien, je suis libre. Aux alentours de. Si vous êtes disponible à cette date, n'hésitez pas à me contacter, à me communiquer vos tarifs ainsi que le détail de votre prestation. Alors là, ma chérie, accroche-toi. Je vais te mettre un détail complet. On est parti. J'ai tout. Elle va pas être déçue. Ah, tu veux le détail? Tu vas l'avoir. Hein? Musique derrière, elle est forte. C'est moi qui la mets, c'est moi qui la mets. Ok, ça sonne. Allô. Allô. Oui. Oui, bonsoir, vous avez passé une petite annonce pour un DJ que vous recherchez. Oui, tout à fait. Voilà, bien, il se trouve que je suis disque jockey, peut-être que ça s'entend. Et voilà, donc je proposais mes services pour votre mariage. Je suis disponible au mois de juin, voilà, donc je suis DJ Babas. Et donc, voilà. Et donc, je suis disque jockey amateur, je fais tous les genres de soirées. Et ça fait combien de temps que vous faites DJ? Je mixe depuis 10 ans, 11 ans peut-être. 10 ans. Ouais, j'ai fait tous les styles de musique, j'ai fait la fête de la musique. J'ai fait également des soirées, j'ai fait des soirées d'anniversaire, des soirées tout thème et évidemment, bien sûr, des mariages. Alors, d'accord. Donc, voilà, j'avais envie de savoir si. D'abord, est-ce que la place est prise ou c'est disponible? Non, non, pour l'instant, on est toujours à la recherche d'un DJ. Oui. Vous parlez toujours avec un écho comme ça? Alors oui, absolument. J'ai décidé d'installer ça puisque souvent les gens me demandent une démonstration. Ah oui, c'est normal, hein, c'est ça. Et le savoir-faire du DJ Babas, c'est de montrer les performances. Oui, mais j'ai des questions à vous poser. Eh bien, je vous en prie, allez-y. Première question. Bah déjà, quel style de musique vous passez? Je m'attendais à cette question, j'ai envie de faire une démonstration, est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Bah oui, je vous écoute. Alors, are you ready? Embaucher DJ Babas, c'est la garantie réussie, c'est jusqu'au bout de la nuit, évidemment, vous allez pouvoir vous éclater avec nous. DJ Babas, c'est chaud ce soir. DJ Babas fait danser tout le monde de 7 à 77 ans. Il y en a éventuellement pour tous les goûts. Il y a du tango. Ça n'a pas de tango. Pas DJ Babas. Il y a également dans la country. Et c'est parti. André, André, Branco. Il y a éventuellement du rock. Avec DJ Babas, tout le style de musique. Oui, ça c'est du rock, mais sans oublier le zouk. Du zouk, du rock, sans oublier évidemment les slow pour le quart d'heure américain. Si vous aimez la variété française, DJ Babas peut tout vous mettre, tout vous mettre, notamment les frérots de la Vega. Attends, écoute. Put your hands up. DJ Babas, une soirée de folie. Une soirée DJ Babas. Are you ready? DJ Babas, un public en délire. DJ Babas est avec vous ce soir, évidemment il est slow. DJ Babas on the blast tonight. DJ Babas c'est également 7000 watts de puissance sonore, 12000 watts de puissance lumineuse et des appareils que je sais pas comment ça marche. Tais-toi, j'ai pas fini. Évidemment, des fois, DJ Babas, c'est également une période de calme, une période d'accalmie, la période de la pièce montée. DJ Babas, pour toutes vos soirées, pour toutes vos cérémonies, avec son public en folie. DJ Babas n'est pas numéro 2, n'est pas numéro 3, et number 1 sur les bar mitzvahs. DJ Babas, c'est également les baptêmes. Jésus revient, Jésus revient. Sans oublier bien bien sûr une ambiance de folie. Là où d'habitude, c'est pas foufou, là c'est spécial pour les enterrements. Non mais vous êtes sérieux? Et toi? C'est l'enterrement de mamie Ginette? Mamie Ginette? Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Les arrières, les enterrements, DJ Babas, public en folie. Je viens chez toi pour pas cher. Je viens avec toutes mes sirènes, police. Police US. Police du Danemark. Police d'alarme. Il y a tout chez DJ Babas. DJ Babas, c'est également des mixages dans le tempo. Bon, là ça a foiré, mais c'est également image. Tu es prête? Non, non, mais... Qui ça? Alors, tu prends ou pas? Non, mais là, vous avez un souci. Et vous me dites que vous avez 10 ans d'expérience? 12. Non, mais vous avez un problème au niveau de vos oreilles, je sais pas. Il y a un souci, changer de métier. Je sais là où j'ai merdé. Non, mais les sons là que vous m'avez proposés, d'une, ça va pas. Bah, t'as vous pas êtes de pas goût. Du tout dans les thèmes. Et en plus, c'est nul. Déjà, madame, si vous avez un problème de goût, c'est pas ma faute. Moi, j'ai un problème de goût. Bah, visiblement, je vous ai mis les 20 tubes les plus diffusés dans les mariages, même pas tu savoures. Non, mais il y a certains sons, franchement, même des trois quarts de temps. Non, mais à un moment donné, toi, t'es du genre à faire la gueule quand la pièce montée arrive, j'y suis pour rien. Okay. Ah non mais je fais pas la gueule, au contraire c'est quand même un mariage, c'est quelque chose de festif, vous pouvez pas faire ça déjà tout le temps. Et puis les musiques que vous avez proposées là, ça va pas du tout. Tu sais pourquoi? Parce que vous êtes nul. Je n'ai pas fini par les lacs du Connemara. Oh là là. Comment? Ah mais ça va pas être possible. Ok. J'en ai eu d'autres quand même, des DJ qui ont téléphoné. On s'est... Il n'y a rien d'arrêté. Mais là je vais pas pouvoir vous retenir monsieur, ça va. Ok, tant pis. Ok, c'est pas grave. Ah okay. Bah non, mais puis même je sais pas, faites une formation. Non, si tu veux une ambiance de merde à ton mariage chez toi. Ah mais il n'y aura pas d'ambiance de merde. Oh si, il y aura une grosse ambiance de merde. T'as pas de goût, t'as pas d'oreille. Non monsieur. Non, revoyez un peu votre formation, revoyez. Revois tes oreilles, il y a un truc dedans. Ok, revois tes oreilles. Mettez des chaînes musicales, je sais pas, mais revoyez tout parce que là, il y a tout à refaire à zéro. Ouais, là. Ouais. T'as les oreilles avec du caca dedans, j'ai peur. Okay. Ouais, c'est ça, ouais. Non, je crois que vous avez un souci. Là. Bah, donc, on va arrêter là et de toute façon, je vous prendrai pas, c'est sûr et certain. Tant pis pour toi. Non, tant mieux, je crois, surtout. Elle est magique. Elle est patiente. Elle a une patience, cette demoiselle. C'est quoi le prénom? C'est quoi votre prénom? Je m'appelle Koé, on est sur Énergie. Bravo. Mais elle a une patience, cette demoiselle. Oui. Mais ça ne va pas du tout. Non, ça ne va pas. Il n'y a aucune musique qui est bonne. Aucune. Je n'avais rien mis de ça. Faites une formation. Faites une formation. Mais au niveau DJ, c'est naze. Hein. Ouais, ça va pas non plus. C'est un personnage. Hein. C'est un personnage. Hein, voilà. Il mixe mieux que ça. Tu sais quoi, en attendant. Non, mais oui. C'est vraiment vous? Ah oui, c'est vraiment moi, oui. C'est vraiment Didier Babas? Non, c'est pas Didier Babas. Ouais, bah non, bah oubliez-le alors. Parce que franchement, dans ces cas-là, restez-vous même, Koé. Je te fais un gros bisou en tout cas, merci beaucoup. Mais plus sérieusement, gros bisou pour le mariage, bonne chance, tous mes voeux, et que tu trouves le bon mec. Avant de partir, une dernière question. Oui. T'as vraiment aimé aucune musique de ce que j'ai dit? Franchement, oui. Même pas. C'est important ça. Non mais ça c'est trop vieux, c'est pourri. Même pas. Bah, c'est limite, ça se met pas un mariage, là. Les frérots, franchement. Je suis pas trop dessus, viens demain. Fais attention à ce que tu dis s'il écoute. Je te fais un gros bisou, on t'embrasse. Allez, félicitations. Reste avec nous. On est sur Énergie dans un instant la suite. Qu'est-ce qu'on fera, Stouf? Il y aura Offenbach et on va faire le Kiki Roule avant. Ils viennent quand, Offenbach? Eh ben, ils arrivent bientôt après la pub. Eh ben, restez avec nous, c'est là que ça va se passer. Le Kiki Roule, vous êtes dans une voiture. Je veux papa, maman, les enfants, je veux la famille entière. À tout de suite. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Oh,

J'ai dit maman donne meilleur conseil que la nuit à la vie, à l'amour. Maman donne meilleur conseil que la nuit. Maman donne meilleur conseil que la nuit. J'ai dit maman donne meilleur conseil que la nuit à la vie, à l'amour. Vidéo qui vient de sortir sur YouTube, vous l'avez entendu la dernière fois, vous avez été nombreux à nous en parler, on voulait vous montrer ce que ça a donné dans le studio. C'est quand il y avait Kev Adams et Jamel et que Guy Claude a fait Cyril. L'imitation de Cyril Hanouna. Voyez leur tête, voyez la vidéo, c'est sur ma chaîne YouTube. Et je fais un gros bisou à Cyril parce que je pense qu'il va mater la vidéo en même temps. C'est à mourir de rire. Le kiki roule dans un instant. DJ Baba, c'est fini. Je pense que j'avais envie d'aller me coucher à la fin. Oui, c'est ça. J'avais tout donné. J'avais tout donné. On fait un bisou à Coralie. Ce soir, le thème, je vous le rappelle, Last Night the DJ Fuck My Life. Il s'est passé quoi, Coralie? C'était à quelle occasion? Salut, salut, bah, c'était à l'occasion de mon mariage. Le DJ m'a pourri la soirée, pourtant c'est le jour de ta vie, mais alors là, c'était tout faux, quoi. Comment on peut foirer tout un mariage? Parce qu'en théorie, moi j'ai animé des mariages quand j'étais gamin. Quand j'avais 12-13 ans, j'étais DJ de mariage. Ouais. Non, ce qui est d'ailleurs, oui, mais c'est insupportable parce que quand t'es DJ de mariage, tu ne joues que des choses qui ne t'intéressent pas. Oui. Ouais. Moi, j'avais envie de mixer de la musique de mon âge. T'as toujours trois vieux casse-couilles qui viennent te demander un passo doble. Ah, va chercher un passo doble dans tes musiques. Un passo doble. Ensuite, tu te demandes une valse. Quand t'as mis une valse, tu te demandes un rock des années 60. Un rock des années 60. C'est que de la musique de merde. T'as un quart d'heure pour toi où tu t'éclates parce que tu joues ce que t'aimes. Mais franchement, DJ de mariage, moi je leur dis bravo parce que t'as toutes les demandes de tous les pénibles qui disent « Est-ce que vous avez André Verschuren en live à Saint-Etienne ?» Non, Jean-Claude Borelli à la trompette, vous avez ça? Ouais, c'est que des trucs comme ça. Et j'avais pas de patience, moi, je les envoyais chier. À 13 ans, imaginez. Sérieux? C'est vendeur, c'est bien. Oui, mais ça me saoulait. Je suis même engueulé avec mon oncle à un mariage d'une de mes cousines. Quatre fois, il m'a fait chier avec son passo doble. Je joue le passo doble. Il fait, bah, j'étais dehors. Ah, bah, vas-y, vas-y. Ah bah. Allez, fais-moi chier, la famille en plus, bravo. Et ils ont payé quand même. Alors, Coralie. Il y a des limites quand même. Hein. Coralie, donc, toi, qu'est-ce qu'il a fait le DJ? Ouais, bah alors moi j'aurais mieux fait d'animer ma soirée moi-même, parce que moi aussi j'ai fait des soirées de mariage, mais là pour le coup je lui ai fait confiance, il avait du super matos, il était top. Alors déjà il est arrivé, les deux premières heures de la soirée, il a fait que bouffer, il était pas derrière sa sono. Forcément. D'accord, il a mangé donc, ça va, parce que au début de la soirée, il n'y a pas grand-chose à faire, le DJ, il met une musique. Bon, ouais, bah en l'occurrence, justement, la musique, il l'a mis, et le titre, c'était La Foufoune à Mémé. C'était quoi La Foufoune à Mémé, tu peux trouver ça. Ça existe? Il n'y a pas de souci. Je connais... Bah, à la limite, je préfère Pierre Perret, le Zizi, quoi. Non, alors, je connais La Chatte à la Voisine, on a tous fredonné cette chanson, mais La Foufoune à Mémé, ça connaissait pas. Ouais, bah franchement, bien les boules, les gens, on s'est demandé où il l'avait sorti, celle-là. Non, c'était pas les boules, non, c'est La Foufoune à Mémé. Et pour finir, en fait, il avait les petits trucs que tu mets sur les gâteaux là pour mettre un petit peu les petits feux d'artifice. Oui, les feux de Bengale. Là, les... Voilà, il avait ça sur la scène et ce couillon, il a mis trop près du rideau, ça a pris feu. Sur la foufoune à Mémé. C'était en 2007, je m'en rappelle encore et je crois que je l'oublierai jamais, malheureusement. Tu sais que c'est dur d'allumer le feu sur la foufoune à Mémé. Franchement pourri quoi. Mon pauvre chéri. Et jusqu'au bout, il a été mauvais. Jusqu'au bout, franchement, on n'a pas payé. Hein. C'était un truc de fou. Là. Est-ce que vous êtes toujours ensemble, le mariage, depuis le mariage? Vous êtes toujours avec pour le coup, on est toujours ensemble. Ça, voilà. Est-ce que tu en ris maintenant? Ah bah aujourd'hui oui, tu vois, je viens le raconter à la radio. Mais oui, tu sais ce qu'on dit, mariage kishi, mariage pour la vie. Allez, bisous Coralie. Merci, je te fais un bisou, je t'embrasse fort, à bientôt. Attention, vous êtes prêts pour le kiki roule? Oui, ouais. On y va, nous avons quoi? Calvin Harris avant le kiki roule. Bon, c'est très bizarre dit comme ça. Ça va que c'est Calvin Harris. Nous aurons la famille l'étendard dans un instant. D'accord, restez avec nous. Voici donc Calvin Harris avant le kiki roule avec Sam Smith. Tout, elle dit non, elle n'a pas l'air d'accord. Non, il aurait pas dû. tu vas te faire défoncer là. Pendant Sam Smith, tu vas te faire tweet. Bah, c'est pas grave. On va te perdre, on va te perdre. J'ai l'habitude. Now they judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. I said I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Ils s'appellent César et Dorian. Et ils sont potes les deux. Hein. Et bah nous, oui, on les aime beaucoup aussi. Ça, c'est le nouveau. Et à la fin, on se fait un mix. Comme si on était en discothèque tous ensemble. Écoute ça. J'adore ça. Mais ça, c'est dans un instant. Merci Jeff d'avoir fait la contrebasse. Pour l'instant, nous avons la famille L'Étendard. L'Étendard, c'est bizarre. Parce que L'Étendard, pour moi, c'est dans la Marseillaise. Oui. Ah, bah oui. Ça va la famille, vous allez bien? J'ai l'impression qu'il y a des gens du studio qui sont venus dans la voiture. Est-ce qu'on dit la famille L'Étendard ou la famille L'Étendard? Les deux. Comme tu veux, les deux. Les deux, ok, très bien. Okay. Si vous n'avez pas fait le choix, je ne ferai pas aujourd'hui. Je vous appelle comme vous voulez. Nous avons le papa qui s'appelle Yann. Quel âge Yann? 33 ans. Salut Yann. La maman s'appelle Gaëlle. Ça va Gaëlle? Ça va et toi? Magnifique. Et les enfants s'appellent? Ilélia. Et oh là là. Maëlia. Attends. Maëlia. Quel âge Maëlia? 8 ans. 8 ans. Ensuite, il y a qui? Ilélia. Ilélia. On dirait une liste de médicaments. Alors, vous allez me prendre du Ilélia 3 fois maintenant par jour. Ilélia, quel âge? En suppositoire. 9 ans. D'accord, 9 ans. Et Imodium à l'élevé? Alors j'ai Maëlia, j'ai Ilénia et j'ai. C'est tout? Aïlan. Bah tu vois, Aïlan, c'est Maïlan, c'est les médicaments, foutez-vous de ma gueule! Ah, les médicaments, ils s'appellent Maïlan, elle s'appelle Aïlan! Ah bah, Il y en a un qui est malade dans la famille, non? Qu'est-ce que c'est quoi cette imagination? Comment on va l'appeler? T'as un rhume? Vix Vaporub, ça ira très bien. Je suis hypocondriaque. Donc nous avons le dernier, c'est compliqué. Aylan, demandez les prénoms avant les amis. Quel âge Aylan? Quel âge Aylan? 4 ans. On lui posera pas de questions à Aylan. Voici la première question pour le papa. Vous me répondez aux 3 questions. Vous gagnez une PS4. Attention, concentrez-vous. Okay. Question pour Yann. On ne dit plus carte grise maintenant dans une voiture, mais on dit. Ah oui, on dit plus carte grise. Ça se dit plus. Les policiers disent présentez-moi le. Pied du véhicule. Ah non. Qu'est-ce qu'il y a sur la carte grise? C'est marqué dessus. Et où la carte grise? Vite, regarde dessus. C'est simple, c'est tout simple, c'est tout court. Il va pas perdre là-dessus. On dit présentez-moi le. Oh, il va perdre là-dessus. Attention, 5 secondes encore. 5, 4, 3. Oh là là, Ilenia, Maëlia, vous allez perdre parce que votre papa il sait pas conduire. Oh. Il a peut-être pas le permis. Il va se faire engueuler. Typique des mines. Le certificat. Non, pas des mines. Pas du tout. Mais il va pas te dire donnez-moi le certificat des mines, donnez-moi le certificat. Oui. D'immatriculation. C'est limite. Hein. Ouais, c'est donné. Deuxième question. Il est nul votre père. Deuxième question. Question pour maman. Le décès de quel docteur a fait scandale dans Grey's Anatomy? Ah ouais. C'est pas Grey's Anatomy. Mamour. Docteur Mamour, évidemment, bonne réponse. Direct. Là, on sait, là, hein. Attention, question pour Maëlia et Ilenia. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez la PS4. D'accord, les deux? Ok, oui. Ok. Concentration, là, il y a une goutte de sueur. Qui chante Dja Dja? Tu vois Dja Dja en train de chanter Dja Dja? Est-ce que t'as déjà vu un mec sur Énergie qui fait voici Dja Dja avec Dja Dja? Ou voici Dja Dja avec Juju? Je sais plus. Il y a trop de dés. Attends. Voici Dja Dja avec Dja Dja. Je sais, ce serait rigolo sur une pochette. Dja Dja, Dja Dja. Ça fait un peu chanteur japonais. Mais non. Qui chante Dja Dja? Je vous laisse 5 secondes. 5. 4. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Eh oui. Eh oui. Aya. Aya Naka. Aya Naka. Aya. Aya Grande. Aya Grande. Ah, c'est énorme. C'est drôle ça. Aya Aya Grande. Mais non. Oui. Oui. Tu as dit quoi? Oui. Aya Grande. Mais oui, c'est gagné. Je vous offre le PS4. Gros bisous la famille, je vous embrasse. Bisous Maëlia, bisous. On vous embrasse la famille. Bisous les deux, salut Maëlia. Merci, 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Belle Corrèze charnelle. Oubliez ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël. Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un peu choses que j'aime. Plus beau que la Corrèze. Soyez sûr dans le tunnel. Oui, j'ai coué en cathéter. L'écouter tous les soirs. J'ai les oreilles qui frient. Attention au traquenard. Il a une équipe débile. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Aujourd'hui, Offenbach s'installe chez Coé sur Énergie. Avec un mix Offenbach. Nos invités, on est en Facebook Live. Ça fait plaisir. Tatou, la bienvenue chez nous, les gars. Les gars, César et Dorian forment le groupe Open Back. Alors, c'est comme Bataille et Fontaine, il faut dire qui est, parce que des fois, on les mélange tout le temps. Donc, ou Chevalier Dorian, à l'Espalès. Dorian, César. Voilà. Exactement. César, c'est le brun, Dorian, le blond. Voilà. Exactement. C'est une façon mémotechnique. Oui. Voilà, ça va, les gars? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une oreillette qui marche pas. Ah, c'est un faux contact parce que c'est une radio associative ici, tu sais. Donc on attend les fonds de la ville pour que ça marche. Bon, on vous prêtera des casques. Hein. Ça y est, c'est bon, ça marche. Super. Ah, ça a l'air. Super, bon, en attendant, ça me fait très plaisir que vous soyez là. Tout cartonne. Ils sont nommés au Energy Music Award dans la catégorie DJ de l'année. Le 20 octobre, vous êtes à l'Olympia. Ouais. Oh, le kiff, wow, les gars. Ouais. Je viens de l'apprendre, je savais même pas. Ça va. Ouais, on est hyper content. C'est ouf parce que quand je dis à ma grand-mère, on va jouer à Tomorrowland ou à je sais pas trop elle quoi. Elle s'en fout. Mais quand je lui dis je vais jouer à l'Olympia, elle me dit j'ai vu les Beatles là-bas, donc c'est énorme pour elle. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est. Ah, c'est une non, on est hyper content. C'est et un bah, truc vous voulez cocher. Pour vous entraîner, vous allez mixer chez nous tout à l'heure. Hein. C'est un petit Olympia avec un public de malade. Toi aussi t'as mixé à l'Olympia. Hein. Moi aussi j'aime. Oui, oui, oui. Ouais. Oh, merde, oui, c'est vrai. Personne le savait. La dernière fois il y avait une présentation des programmes et de la régie d'énergie. Truc très sérieux. Et dans le hall, il y avait de la musique. Et nous, on était côté salle. Et moi, je vois une console de mixage. Donc, vous me connaissez, les gars. Ah bah, moi, je commence à jouer. Puis il y a un micro. Bah, je commence à faire ça va, tout le monde va bien. Mais il n'y avait personne dans la salle devant moi. Sauf que j'étais à la console de mixage qui diffusait la musique dans le hall, là où il y avait tous les invités. C'est le bordel. Et tous les mecs entendaient OK, bienvenue sur les rues. Et il y a un gars de l'Olympia qui me dit, il fait monsieur, on vous entend, vous êtes diffusé de l'autre côté. J'ai posé le truc, je sais pas moi, c'est pas quoi. Bon, ce sera pareil. Bon, quelle a été la meilleure date de cet été là? Vous avez le mieux bougé ou là où c'était le plus fou? Tomorrowland, c'était assez incroyable pour ce que ça représente. Et sinon, les Vieilles Charrues aussi, très sympa. Il y en a eu plein en fait, tout était cool. Tomorrowland, cool. Ouais. Moi je pense que ça me ferait ça doit être un kiff de mixer à Tomorrowland. Bah, c'est un délire, surtout c'est hyper connu dans le milieu du DJing. Ils font des décors de dingue, c'est ouais, beau. C'est le Disneyland de l'électro. Ouais, c'est ça, les décors sont incroyables. J'ai déjà vu des festivals de DJ, bon voilà, t'as une grande scène de la musique et des lumières. Tomorrowland, les mecs font un décor, c'est sublimissime. Ouais, il y a un vrai travail. C'est marrant parce que je pense que c'est un des seuls festivals qui est presque plus connu que ses artistes en fait. C'est vraiment un festival star. Oui, je crois que les gens s'en foutent de qui vient mixer. Oui, bien sûr, j'ai un message, les gens disaient on s'en foutait. Oui, ils savaient même la capacité. Ils ont regardé les décors. Bah, ils étaient là, ils sont là pour Tomorrowland. Ouais. Situation privée, vous en êtes où? Ça y est, là, marié, des enfants, c'est depuis qu'on s'est quitté, qu'est-ce qui se passe? Bah, on vient de se marier en fait. Ouais, c'est ça là. Une chérie. Ouais, César, Césarette. Dorian, ton appartement, on en est où? J'ai toujours chez ma mère. Toujours chez ta mère? Mais mec, Dorian, tu serais un DJ débutant. Ouais, la dernière fois, il était venu chez nous dans une autre radio, il avait perdu ses clés de maison. Il les a pas retrouvés. Jamais? Mec, non. Tu vis toujours chez maman? Bah, le problème, c'est qu'en fait, j'ai pas trop le temps de me poser, on a pas mal bougé, voilà. Et ça la saoule pas que tu sois encore chez elle? Bah, on n'est pas souvent là donc ça va, mais ça la saoule un peu quand même. Ouais. Bah, je peux comprendre. C'est quoi le prénom de maman? C'est Ariane. Ariane. Oula, c'est quoi ce bip là? Allô Ariane? Allô. Bonsoir, vous êtes la maman de Dorian? De Dorian. Oh, très très mal. Bonjour. Je vais encore me faire engueuler. C'est Coé à l'appareil, comment ça va? Ça va, merci. Alors, on se posait la question, est-ce que ça vous saoule pas trop qu'il vive encore chez vous? Qu'est-ce qu'il attend pour... D'ailleurs, je suis très inquiète, il a oublié son goûter tout à l'heure. Ah, ça taille, ça taille. Fais un bisou à maman, fais un bisou à maman. Je t'embrasse, maman, je t'aime. Trop tard, Dorian, parce que pas tu te couches tard après. Ah, hey, on a une soirée après, hein, en plus. Hein. Dites-lui de pas trop boire aussi. Moi? Ah non, ça, il fait ce qu'il veut, on est tous alcooliques dans la famille. Ariane, vous savez de qui je tiens. Ariane. Oui. Je vais vous faciliter la tâche. Mm-hmm. Dites-lui, casse-toi maintenant, t'es grand. Foutez-le dehors. En fait, pour vous expliquer un peu, en gros, on voit très très très peu parce que je suis toujours en voyage et lui aussi. D'ailleurs, la voisine nous a quand même surnommé les pigeons voyageurs. On n'est jamais là. Donc par contre, quand je suis là et que je fais de la musique, elle le sait. Elle sait quand je rentre, moi. Ouais, y a pas de problème à ce niveau-là. Bon, ça va, tout se passe bien sinon. Est-ce qu'un DJ, est-ce qu'un fils DJ qui vit à la maison, c'est pas trop de musique, ça va? Si, moi ça me dérange pas la musique. Bon, je me suis acheté des boules caisses. Est-ce que vous aimez ce qu'ils font, le groupe, avec le groupe? Vous trouvez ça bien ou pas? Je suis totalement fan. D'ailleurs. Il y a bientôt les Energy Music Awards. Oui, c'est bien, maman, c'est bien. Écoute, laisse-la. T'as coaché Ariane, fais la promo. Vas-y, Ariane. Écoutez-moi, il ne faut pas oublier d'aller voter. Hein, vous votez sur le site Energy Music Awards et vous votez évidemment pour Offenbach, meilleur DJ de l'année. Voilà. C'est les 20 ans de Energy Music Awards cette année. Tous les jours, faut voter. Si vous dites votez pour mon fils, c'est pas très clair. Votez pour le groupe Offenbach, c'est mieux. Je vous fais un gros bisou, Ariane. À bientôt. Votez pour mon fils. Bisous. Génial. Toi, si tu rentres pas avec un Energy Music Award, elle te défonce. Ah, ben, je rentre pas. Ah, ben, privé de goûter. Les gars, vous êtes ensemble depuis le collège, vous connaissez depuis le collège? Ouais, ça va faire 13 ans ou 14 ans qu'on se connaît là. Ouais, ça fait un peu trop longtemps. Ouais. Je vois plus Dorian que mon frère, mes parents, ma sœur. Mais d'ailleurs, ma mère considère César un peu comme son fils. Donc, oui, c'est vrai. Quand elle dit mon fils, elle disait en fait mes fils. Mec, il s'accoste un peu quand même. C'est confortable chez lui, hein, bien squatté. Dans un instant, les amis, nous aurons le mix de groupe Offenbach. Mais avant, comme dans les amours, nous verrons si vous vous connaissez très bien. Vous vous souvenez des amours? C'est tous les midis. Oui, dans les amours, il y a des vieilles pancartes. Hein, c'est un jeu moderne. Donc, attends, non, pas tout de suite. On aura le temps de le faire. On le fait peut-être maintenant. Oui, on le fait maintenant. Pas 3 minutes. Allez. Attention. Faut aller vite. Donc, très, très nous avons posé des questions à Dorian. Dorian. Je suis toujours Dorian. Nous avons posé des questions. Oh, non, c'est pas cette musique de merde. Bon, écoute. On peut faire plus moderne parce qu'on a décidé de mettre les réponses, non pas sur des pancartes, mais sur des disques vinyles. Ah, très bien. Ah, bah, et vous connaissez le principe, si l'autre se trompe, généralement, bam, pas sur la tête. Oh là là là là là, on va se prendre que des coups sur la tête. Donc, j'ai posé des questions à Dorian. Je sais jamais, je me trompe dans ce sens-là. Et c'est César qui a répondu aux questions. C'est César qui a répondu aux questions sur Dorian. Je ne comprends pas. Ça fait depuis cet après-midi qu'on m'explique. César a répondu à des questions sur Dorian. Voilà. D'accord. Donc après je monte. Voilà. On est pas bien tous les deux. Alors. C'est compliqué. Donc, je pose les questions à Dorian. Dorian. On va faire une petite pause et on va faire après. Je veux comprendre avant la pub. Non. Je veux comprendre. Qui a répondu à des questions? Nous deux. Mais là, c'est Dorian. Ne dis pas ça. Mais là, si, nous deux. Mais là, Dorian. En fait, Dorian a répondu à des questions sur moi. C'est ça? Non. En fait, si, c'est ça. En fait, déjà, ce jeu, on l'enterre. Là, on pose la question et je dois deviner sa réponse. Les vieux la comprennent sur France 2 parce que moi, je. Oui, parce que normalement, c'est un après l'autre. Ah, j'ai des transpirations. Alors. Dans un instant, nous reviendrons après la pub. J'ai 3 minutes 30 pour comprendre ce putain de jeu. Je vous assure que quand je reviendrai, je dirai plus Dorian, je dirai Dorian. Je vous jure que je dirai Offenbach et pas David Guetta. Je vous jure que je dirai bien Énergie et pas le nom d'une autre radio. Dans un instant, nous faisons ce jeu et on verra si vous connaissez bien. Dites-moi oui. Oui. Je vous remercie. Restez avec nous pour la dernière partie de l'émission. On est sur Facebook Live. À tout de suite. Destin sont entre vos mains. Votez maintenant pour vos artistes préférés sur energie.fr. Les Energy Music Awards 2018 avec Laser Game Evolution, créateur français du jeu 100% laser. Laser Game, c'est nous. Le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1 et Energy. It's music only.

Leclerc. Allô Régis, écoute, en ce moment avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, 70% de tickets Leclerc sur les couches Pampers Baby Dry. Papa, c'est Juliette là. Je ne veux pas le savoir. 70% de tickets Leclerc, Régis. Papa. Du 2 au 13 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Les Pampers Baby Dry en maxi-pack, taille au choix, sont à 29,64€. Avec en plus 70% en ticket Leclerc. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Mylène Farmer. Après 6 ans d'absence, elle revient enfin sur scène dans un lieu unique. Paris La Défense Arena pour 6 concerts exceptionnels. Mylène Farmer en concert à partir du 7 juin 2019. Ouverture de la billetterie samedi 13 octobre à 10h. Uniquement sur mylenefarmer2019.com. Aujourd'hui. Offenbach. S'installe chez Koé sur YouTube. César et Dorian d'Offenbach sont avec nous. Le mix, c'est dans quelques minutes. Suivez-nous sur Facebook Live si vous voulez voir comment ça se passe. Connectez-vous. Si vous étiez sur le Facebook Live pendant la pub, je pense que vous avez assisté à... Voilà, la règle du jeu a continué. Le débat. Je pense même que sur Facebook Live, il faudra regarder spécialement le pendant la pub. Les gars, vous êtes nommés au Energy Music Award catégorie DJ de l'année. Le 20 octobre, vous serez à l'Olympia. Je souhaite que vous déchiriez tout. Mais pour l'instant, bienvenue aux amours de Offenbach. Cette semaine, dans Les Amours, nous recevons Offenbach. Ils ne vivent pas ensemble, ils sont collégiens et ensuite amis pour la vie. Ils sont DJ, ils ont des millions de vues. Catchy a fait 123 millions de vues, Be Mine 100 millions de vues. Ils sont avec nous dans Les Amours. Ouais. Elle est bien la musique, hein. Elle est cool la musique des Amours. Oui, c'est jeune. C'est attention. Je pose des questions, j'ai posé toutes les questions qui sont là, je les ai posées à César. Il a écrit sur ses disques vinyles les réponses. Je te pose les questions maintenant à toi, Dorian, et tu vas me dire... Non, c'est Dorian. Ta gueule. Et tu vas me... Parce que, hey, il a de la patience, mais il y a des limites. Et on va voir s'il a mis la bonne réponse. On est parti. D'accord. Go. Concentre-toi. Dorian, quel est le morceau que tu kiffes, mais que tu n'assumes pas? En ce moment, Liane Folly. Et voilà, ça, c'est un coup de Il avait parfait. Répondu. Liane Folly, bravo. Bravo. J'ai hésité avec Crazy Frog, mais j'ai mis Liane Folly. Je vais vous faire un bisou. J'ai eu raison. Pour faire un bisou. Ouais. Quelle est ton émission de télé préférée mais que tu n'assumes pas non plus? Ah, je regarde pas beaucoup la télé. Je sais pas. Appelle un ami. Appelle un ami. Non, non, on a plus le temps, vite. J'en sais rien. Un titre, une émission. Top à la vachette. Les anges, je sais pas. Là, j'ai mis interdit. Oh, là, top à la vachette. Non. J'ai dessiné une petite vache ici aussi. J'ai voulu c'est très bien, écoute. C'est les anges, il fallait dessiner un petit ange. J'adore Interville. On continue. Je savais pas dessiner. Est-ce qu'après tes concerts ou vos concerts, il t'arrive d'aller mixer dans la chambre avec un fan ou une fan? Non, jamais, jamais. La réponse est non, évidemment. Ah, bien non, joué. On n'a pas de platine portable. Quel est le morceau, Dorian, que tu as le plus écouté dans ta vie? Le groupe, c'est peut-être AC/DC. Et mais le morceau, c'est peut-être Beast of Burden des Rolling Stones. Et nous avons... Non, non, j'ai mis Logical Song de Superfrog. Ah, Logical Song de Superfrog. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. À chaque fois, en bagnole, il le fout. Ah bah là, temps. Ça mérite sur la tête, là. Lequel de vous deux a pécho le plus? Ah. Joker. Ah non, faut répondre. Oh, il y a le Joker. Joker, avec une petite couronne, Joker. Voilà. Allez, gars, pas concerté, vous avez pécho le Joker. On va pas se la péter en direct. On se check. Pour quel motif vous vous êtes engueulé la dernière fois? Que vous pouvez raconter à la radio, bien sûr. Je pense que c'était à propos. Ça devait être à propos d'une musique, d'un arrangement, je ne sais pas. Presque. Pour un son de synthé. Oui, ah, ça va. Ah, les engueulades. Quel est le dernier endroit où tu as fait l'amour? Je sais pas. Vite. C'est assez classique, hein, à Paris, à Paris, dans un lit. Ah, et là, j'ai mis montre. Avec ta main dans les toilettes. Montre. Il a mis Paris. Et enfin, là, t'étais tout seul, Miko. La dernière, dernier truc. Raconte-moi ton dernier râteau, vite. Et après, vous allez mixer. Mon dernier râteau. Oula. Allez. Je sais pas. Je ne sais pas. On se souvient des râteaux. Je ne sais pas. Il a dit. J'ai mis. Je me souviens même plus que j'ai mis. Il était jeune et Yves, donc il s'en souvient pas. Voilà. Les gars, mettez-vous en place, les gars. Très envie de communes. Votez pour eux sur energie.fr. Si vous êtes fan d'Offenbach, vous voulez qu'il gagne au Energy Music Award. On se fait quelques minutes de mix. On aura 5 minutes de retard pour le Ricocho juste après. Le public va se lever. Vous êtes sur Facebook Live. Vous nous suivez sur Energy un peu partout. Vous êtes comme si c'était Tomorrowland, mais en petit. Oui, tout moreau quoi. C'est un Jardiland. Voilà, c'est pas la même chose. Vous êtes prêts? Vous avez tous les sons? Est-ce que tout est calé? Attends, j'attends que vous soyez prêts. Heureusement que je vous ai demandé il y a deux minutes si tout était prêt. Hein. Il y a deux minutes, j'ai dit tout est prêt. Ils m'ont dit ouais, c'est bon, bah, bien sûr. On a tout fait. On est comment là? Non, c'est pas bon là. Quand le mec il en a touché le gros bouton de la platine, c'est que c'est pas bon. Pourquoi il n'y a pas d'électricité? Comment? Pourquoi il n'y a pas d'électricité? C'est pas bon, hein. Ça, il a dû y aller avant, les gars. Moi, je connais la merde d'un des deux, je vais l'appeler, ça va chier. Voici Offenbach en live sur Energy. All night long. good bands are turning ugly into Neverland. Yeah, it's more than taking my baseball cap. Ils sont dans la catégorie des meilleurs DJ. Energy.fr pour aller voter. Merci les gars, bonne soirée. On vous laisse avec toute l'équipe du Rico Show. Vous m'entendez là-haut? Votez pour nous! T'as gueulé, tu viens de lui tuer l'oreille. Bon bah t'as compris, faut voter pour eux. Hein. Ouais, jusque là-haut. L'énorme voter pour le voter pour vous, il est monté direct jusqu'au 6ème étage. Ça y est, c'est fait, je suis déjà sur le site. Allez, bonne soirée les gars, portez-vous bien, hein. Amusez-vous bien, belle soirée sur Energy. On revient demain. Ciao tout le monde, ciao, ciao. Koé revient demain sur Energy. 3, 2, 1. Salut à tous, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico et vous venez d'atterrir dans le Rico Show. Jusqu'à 23h, le Rico Show. Le Rico Show sur Énergie. Yes! Tellement content d'être avec vous pour 3 heures de pur délire. Dans 5 minutes, ce sera le canular du jour et on revient avec les castings de Sarah, spéciale nouvelle star. Sarah nous dégote les talents d'hier et non de demain, puisqu'ils sont déjà passés périmés, mais ils pensent encore qu'ils ont des chances dans la chanson et on leur fait faire un petit peu tout et n'importe quoi. C'est chaque fois un énorme moment, les amis. Soyez bien là, dans 5 minutes, on va se marrer. Et puis, je vous le dis, les news arrivent. Aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé dans le monde, mais les news sont grasses. Il y a du très très lourd au programme. Et puis on aura aussi l'appel voyant que vous avez aimé en fin d'émission hier, qui reviendra. Et puis on parlera aussi intergénérationnel. C'est vrai que des fois on aime bien traîner avec des vieux ou des plus jeunes pour des raisons très précises. On en parlera dans cette émission. Dadju à venir. Promise et Kaigo. Évidemment, c'est votre émission. Vous venez, vous déboulez. 0800 70 42 48. On vous accompagne là toute la soirée. Sur Twitter, hashtag RicoShow sur Énergie. Vous nous avez tous manqué. Et vivement que ça démarre, qu'on se régale. Ça y est, c'est parti, on est bien. Ça va, ma Sarah? Bonsoir à tous. Bonsoir, Rico. Comment tu vas? Tu vas bien? Bah, au top. T'es classe, t'es bien habillé. C'est gentil. C'est pour le casting de ce soir, c'est ouais, sûr. Ouais, c'est ça. Le casting va être énorme, ma Sarah. Ah, ça va être énorme. J'ai dégoté la perle. Là, c'est le meilleur. Ouais. Il s'appelle Martin. Tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit, moi, je suis un chanteur fantaisiste et j'ai hâte de montrer ce que je vaux à Brian. D'accord. Voilà. Eh ben, Brian, le producteur de la Rico Factory, va le tester, croyez-moi. Et chaque fois, c'est un énorme moment. Restez bien avec nous. Comment il va, le tombeur? Ben, écoute, en pleine forme. Hein. Je le sens. Ah ouais, jeudi, ouais. Bah non, mercredi. Ouais. Je saute les jours, moi, je sais plus. Alors, il est venu avec une espèce de vapoteuse aujourd'hui. Il m'a dit, oh, c'est cool, ça, un pote me l'a filé. Alors, évidemment, c'est gratuit, donc il l'utilise. Alors, il en a aucune utilité parce qu'il est pas fumeur et il est très sportif. Il m'a dit, non, c'est juste de la vapeur. J'adore la fumée. Donc, le neuneu se trimballe avec une vapoteuse qui fait de la fumée. Bah, ça fait classe, je trouve. Ouais, ça non, fait con. Ouais, ouais, ça fait con, classe. Ouais. Le gars lui dit, non, mais c'est même pas pour la cigarette, juste la fumée. J'adore la fumée. Il est complètement ouf, ce mec. Je vous le dis, il est taré. Il est pas fait comme les autres. Ah ça va, JM? Ça va au top. Mais écoute, j'ai Sylvain à côté de moi qui fume sa vapoteuse. Je sens même pas le parfum tellement ça pue. C'est dégueulasse. À part ça, ça va. Au taquet. Avoir Sylvain à ses côtés, ça rassure. Ah, ça rassure, mais quand il fume, ça fait peur. Ouais, mais ça rassure dans l'idée qu'on est. Peut-être pas si con que ça. Oh. Qu'à pire, vous savez. Vous regardez Sylvain et puis vous avez le moral qui est remonté. C'est le bail du jour. On se fait un bail. Tout le monde va en parler. C'est le bail du jour sur Énergie. Les amis, on a peut-être trouvé la solution pour le logement pas cher. Vous savez que ça a été écrit partout. Il y a eu des problèmes dans les maisons de retraite parce qu'on se plaint qu'il manque de personnel. Ah. Il y a eu un reportage sur France 2, c'est la galère. Eh bien les amis, nouvelle solution à Montpellier. 11 étudiants ont décidé de vivre en colocation avec des seniors dans 3 trois maisons de retraite de la région. Je vous explique. En clair, ils dorment dans la maison de retraite. Ils sont donc avec les seniors, quoi. Ils cohabitent. En contrepartie, le loyer est modéré et de temps en temps, ils viennent filer un coup de main dans la maison de retraite à raison de 3 à 6 heures par semaine. Et du coup, le propriétaire baisse le prix du loyer. Et avec les APL, tout cumulé, ça leur fait un loyer entre 50 et 110 euros par mois. Quand t'es étudiant, je trouve ça pas mal parce que souvent, en plus, à Montpellier, il y a pas mal d'universités, t'es loin de tes proches et ça te permet aussi d'avoir des seniors qui t'apprennent des choses et de filer un coup de main. Moi, je trouve ça terrible, je voulais vous en parler, c'est le bail du jour. Je trouve que c'est une solution pour aider nos aînés de temps en temps. Alors, 3 à 6 heures, on va pas changer la couche toute la journée et en même temps, faire un peu de lien entre la vieille génération et puis la nouvelle. Je trouve ça pas mal, JM. L'initiative est énorme, par contre, c'est fini les soirées là. Ouais. Je fais plus de soirée à la maison. Parce que pour voir papy et mamie perdre le dentier et faire la brise, c'est pas possible. Papy, pour boire un coup, il est toujours là. On est d'accord, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Hey, vous avez jamais eu votre grand-père qui dit hey, on s'en fait une? Il est là, il regarde l'horloge, il attend parce qu'il sait que mamie va accepter qu'il puisse boire un coup parce que t'arrives. C'est exactement ça. C'est un petit peu ça. Et à mon avis, il peut y avoir des belles histoires qui peuvent naître. Moi, je suis fan, Sylvain. Non, mais Sarah, j'habite quand chez toi alors? Tu te moques de moi, t'as 10 ans de plus que moi. C'est vrai, Sarah. Il est fou. Non, moi, j'adore ma grand-mère. Je t'aime. Je l'ai eu une semaine à la maison. Ouais. Plus jamais. Mais je crois qu'ils leur ont fait un étage à part. Même un étage, elle toquait à ma porte, c'est de ma chambre, change l'ampoule, viens manger, il est midi pile, elle me lève le matin, tout ça, non. Sylvain, de temps en temps, file un coup de main, un petit coup de gant contre 110, 200, 300 euros de loyer en moins par mois. Ah bah écoute, moi j'accepte volontiers. Hein. Ouais. Et puis en plus, il faut refaire la tuyauterie de la mamie. Ouais. La tuyauterie, non. Ah oui. La cuisine. Ah, la vraie plomberie. La vraie plomberie. Ah, j'ai eu peur du plombier. Moi aussi, j'ai eu très peur. Je sais pas vous, venez 0800 70 42 48, ils ont allié l'utile à l'agréable. Alors on va en parler les amis. Est-ce que vous alliez l'utile à l'agréable? Alors moi c'est quand mon mec il me demande de faire les courses. Pour moi c'est une tanasse de dingue. D'accord. Mais par contre il me file sa carte bleue, du coup je prends des petits extras, je me fais plaisir. On est vraiment dans c'est ça, l'utile à l'agréable. Moi aussi je sais le cumuler. Souvent je raccompagne Sylvain le soir. Oui. Bon, ça